Oui, absolument, absolument. Bien sûr. Cette précision importante étant en fait. Merci. Soleil ou pas? Oui, soleil, plein soleil aujourd'hui, avec peu ou pas de nuages. Ce sera la plus chaude journée de la semaine, 28 degrés dans le centre, 29 du côté de la Campine, 24 à 25 sur le littoral ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne. Demain, toujours aussi peu de nuages, mais un petit peu moins de chaleur, 20 à 25 degrés, ça reste tout de même très agréable. Un petit peu plus de nuages pour le week-end, mais ça reste a priori un temps sec. Viva, 9h. Le journal avec Nathalie Servet, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Oui médaille, c'est l'objectif de notre pays aux Jeux Paralympiques de Rio. Oui, la flamme s'est rallumée cette nuit au stade Maracana. Aujourd'hui, place aux compétitions avec déjà des Belges engagés en tennis de table et en natation. Il y a 4 ans, à Londres, la Belgique avait ramené 7 médailles des Jeux Paralympiques. La présidente du comité paralympique belge espère revenir au pays avec une moisson brésilienne encore plus fournie. Anne Dieteren espère aussi que le public belge répond à présent, elle lui adresse ce message. Soutenez-nous, regardez-nous, les athlètes méritent autant d'écoute que les athlètes olympiques. C'est une expérience extraordinaire ici à Rio et nous espérons vraiment que la Belgique va vibrer tous ces moments avec nous. Aujourd'hui, c'est un sport qui se professionnalise de plus en plus et d'un niveau sportif assez impressionnant. Donc ce n'est pas une question de participation ici, c'est vraiment réellement la performance, quand on sait que pour être sélectionné par le comité paralympique belge, il faut déjà être plus ou moins dans les 5 premiers du monde dans sa discipline. Donc vous voyez, ce n'est pas rien du tout. Anne Dieteren, présidente du comité paralympique belge, interrogée par Mehdi Kelfat dans Matin Première. La fermeture de Caterpillar est-elle un mauvais signal pour les jeunes qui veulent faire des études et techniques et professionnelles? Aux aumôniers à Charleroi, c'est en effet la crainte de la direction. Ce n'était déjà pas facile de motiver les élèves à suivre ce genre de formation. Alors avec la fermeture d'une grande entreprise comme Caterpillar, les directions ont peur que cela décourage les élèves. Pourtant, du travail, il y en a. Maxime Paquet s'est rendu dans cette école de Charleroi. Atelier de soudure des aumôniers du travail de Charleroi. Ici, les élèves, Caterpillar, ils connaissent bien, souvent personnellement. Ouais, j'ai mon tonton qui travaille là-bas. Moi, j'avais plusieurs amis qui travaillaient. Pour eux, c'est un débouché potentiel qui disparaît, mais pas de là à menacer les perspectives d'emploi. De l'emploi, oui, il y en a. Si on a de l'expérience, ils nous prennent directement. Dès que j'ai mon diplôme, ils m'attendent pour moi travailler, quoi. Le problème, ce ne sont pas les débouchés pour ces élèves, c'est le manque d'élèves dans les classes. Les entrepreneurs demandent à grand renfort de cri de la main-d'œuvre qualifiée et on ne sort pas suffisamment d'élèves puisque les filières sont un peu désertées, quelle que soit l'école. Jean Koopmans, directeur des aumôniers du travail. Une fermeture d'une boîte pareille ne va pas aider à améliorer le processus. Donc on va dire, vous voyez bien, c'est une réalité, voilà encore de l'emploi perdu, où est-ce qu'on va les mettre? En termes d'image, ça va à nouveau renforcer la psychose. Depuis pas mal de temps, on parle des métiers en pénurie, on essaie de convaincre les jeunes de revenir vers de l'enseignement industriel. Et même s'il reste de l'emploi, mais je pense que dans l'inconscient collectif, c'est pas ça qui va aider à améliorer l'image. Et pourtant ici, on le martèle, du travail, il y en a dans les métiers de l'industrie, toutes filières confondues. Et l'avenir de Caterpillar sera à nouveau évoqué aujourd'hui à la Chambre. Les parlementaires vont interroger cet après-midi le Premier ministre Charles Michel et le ministre de l'Emploi Chris Peters. Salah Abdeslam a été emmené ce matin au palais de justice de Paris. Le principal suspect des attentats du 13 novembre dernier sera une nouvelle fois entendu par le juge antiterroriste. Depuis son transfert de la Belgique vers la France, Salah Abdeslam n'a pas dit un mot. Toujours en France, 2 nouvelles personnes ont été placées en garde à vue ce matin après la découverte ce week-end d'une voiture qui contenait des bonbonnes de gaz pleines à proximité de Notre-Dame de Paris. L'arrestation du couple porte à 4 le nombre de personnes interpellées dans le cadre de cette enquête. Selon une source judiciaire, outre les 6 bonbonnes de gaz pleines, 3 bidons de gazole ont également été retrouvés dans le véhicule. Il n'y avait en revanche pas de dispositif de mise à feu. Les policiers Ducle, Watermal, Boisfort et Audergem auront-ils bientôt un pistolet électrique pour neutraliser les individus dangereux? La zone de police Marleau songe à s'équiper de tasers. La piste est en tout cas l'étude au sein du conseil de police locale. Les équipes de terrain vont maintenant être consultées. Si le projet est retenu, ce serait la première police locale de Bruxelles et en Wallonie à se doter de ces tasers, dont l'avantage est d'être moins létal qu'une arme à feu classique. Dans certains cas, c'est en effet peut-être une solution moins dangereuse, Jérôme Durand. 22 août dernier à Uccle, une femme blesse 3 personnes avec un couteau. Les policiers tirent et l'atteignent au bras et au torse. C'est ce fait divers qui a convaincu le conseil de police d'envisager l'acquisition de tasers. Éric Sachs, l'élu uclois à la base de cette proposition. Il y a toujours une balle qui peut se perdre. Je pense également à nos policiers qui psychologiquement, une fois qu'ils doivent faire usage de leur arme à feu, ne doivent pas être bien pendant tout un certain temps. Mais le pistolet électrique a aussi ses détracteurs. La longue expérience des États-Unis montre qu'il peut s'avérer mortel. Philippe Hensmans, directeur belge d'Amnesty International. Entre 2001 et 2012, 500 personnes sont décédées après une intervention avec des tasers. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'ils sont tous morts d'une intervention du taser, mais en tout cas c'était dans ces circonstances-là et pour une cinquantaine de cas, là ça a été identifié formellement comme étant la source du décès. Mais je suis persuadé également que si on n'avait pas utilisé le taser, il y aurait eu encore plus de morts que suite à l'usage de ce pistolet électrique. Un pistolet dont, en Belgique, seules les unités spéciales de la police fédérale et quelques agents anversois sont équipés. Si la zone Marleau confirme son projet, elle devra obtenir l'aval du ministère de l'Intérieur. Au chapitre économique maintenant, AB InBev qui affonne une nouvelle brasserie. Oui, la brasserie Bostels, ce nom ne vous dit sans doute rien, mais si je vous dis Quack ou Triple Carmélite, les amateurs de bière auront compris. InBev rachète donc la brasserie Bostels, Lionel de Nemours, une très vieille famille de brasseurs. Très vieille, fondée en 1791 à Buchenhout, près de Termonte. On en est donc à la 7e génération de brasseurs. 3 bières seulement y sont produites. La Triple Carmélite, plusieurs fois récompensée. La Quack, avec son verre si caractéristique. Et la Deus, un peu plus confidentielle. Alors, quel est l'intérêt d'AB InBev de racheter ce type de bière, Lionel? De mettre la main sur une brasserie qui produit des bières spéciales. Et en 2016, c'est indispensable. C'est le sentiment de Fabien Rousseau. Il est zytologue, comprenez, un spécialiste de la bière. On boit de moins en moins de pils, du moins en Belgique et un peu partout dans le monde. Et on est plus attiré à boire des bières spéciales, style justement Triple Carmélite, Quack ou d'autres. Et donc, c'est vrai que c'est une part de marché qui est intéressante pour le groupe AB InBev. Malgré ce rachat, la famille historique, la famille Bostels, restera à la tête de la brasserie. Et elle promet, rien ne changera au goût et à la qualité, de quoi rassurer les amateurs de Triple, de Deus et de Quack, évidemment. Merci Lionel. Et on le sait, les bières belges sont appréciées à travers le monde, mais l'une d'entre elles reste en travers de la gorge de la communauté hindoue. C'est la Jax Precious. L'étiquette représente le dieu Ganesh, reconnaissable à sa tête d'éléphant. Ganesh est représenté une machette et une saucisse à la main. Inapproprié, irrespectueux, disent ces hindous. Ils réclament des excuses à la brasserie belge de Musketeers. En tennis, aujourd'hui, place aux demi-finales dames. Serena Williams face à la Tchèque Karolina Pliskova, suivie par le match entre la Danoise Wozniacki et l'Allemande Kerber. Enfin, on risque de reparler gros sous entre les Diables Rouges et les dirigeants de l'Union Belge. On apprend ce matin dans la presse que la fédération souhaiterait récupérer 1 million d'euros. Pour y arriver, elle voudrait supprimer les bonus qualificatifs et réduire le pourcentage des primes de l'UEFA et de la FIFA attribuées à nos joueurs. Sans surprise, les joueurs n'ont pas accepté le marché. La fédération devra donc arriver avec une nouvelle proposition. On voit tout de suite comment ça roule ce matin avec Stéphane Piedbeuf. En province de Liège, c'est le chantier de Chorade qui vous ralentit en direction d'Aix-la-Chapelle. Vous êtes ralenti depuis Votem jusqu'à Chorade sur 4 km. Il faut ajouter 15 minutes à votre temps de parcours entre Aix-la-Chapelle et l'échangeur de Loncin. Et un ralentissement s'effectue à partir de Bleuny. Et puis pour rejoindre Bruxelles, un véhicule est en panne sur le 411 Namur-Bruxelles à hauteur de Jésus-Zeik. La bande de droite est neutralisée et la circulation est fortement ralentie. On perd d'ailleurs une trentaine de minutes sur ce tronçon. tronçon à partir d'Overace jusqu'à Auderghem. 30 minutes également sur le 40 qui vient de Gand entre Ternat et Grand Bigard. Et on ajoute également une demi-heure supplémentaire sur le 40 qui vient de Liège à partir de Berthem. 15 minutes, c'est le temps qu'il faut compter en plus sur le 429 qui vient de tourner pour rejoindre Bruxelles, où vous ralentissez à partir de Lembeek, vous ralentissez à partir de Meize sur l'A12 qui vient d'Anvers. Et là aussi, on ajoute 15 minutes sur le Ring. Là où on perd le plus de temps, c'est en circulation extérieure. Vous ajoutez une vingtaine de minutes entre Ittre et le Carrefour Léonard. Même temps à ajouter en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem. Et puis des ralentissements engendrés par des travaux sur le 429 Halle-Tournée-Lille. C'est le fameux chantier entre Quin et Lamain. Vous êtes ralenti essentiellement vers la France, vers Lamain, sur 12 km. Et c'est 45 minutes supplémentaires qu'il faut compter pour rejoindre la France. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 9h10, tout de suite, c'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Merci Nathalie Servet, vous avez la parole. Voyons ce que l'actualité nous réserve ce matin. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Matin en direct sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société. Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table, un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070 233 466, hier, deux militaires ont sauvé un bébé de 8 mois qui était seul dans une voiture à Verviers depuis 20 minutes. Maman déposait un document au syndicat. Est-ce que c'est normal comme pratique? Hier à Verviers, il faisait chaud. Juste avant midi, plusieurs piétons récupèrent un bébé ou repèrent un bébé seul en pleurs dans son maxi-cosy. Le bébé est dans la voiture. La police est prévenue, mais vu l'attroupement et la panique, les militaires en patrouille s'approchent et comprennent très vite qu'il faut agir. La fenêtre passager est entrouverte de 4 cm. Avec un cintre, ils parviennent à ouvrir cette portière. Le bébé est en pleurs non-stop depuis le début de l'opération. Il est alors agrippé par un des militaires pour un vrai câlin de réconfort. La maman ne sera pas poursuivie. Elle était allée déposer un document à la FGTB qui est toute proche. D'après certains témoins, le bébé serait resté seul 20 minutes. Alors c'est la question pour vous ce matin. Hier, deux militaires ont sauvé un bébé de 8 mois qui était seul dans une voiture à Verviers depuis 20 minutes. Maman déposait un document au syndicat. Est-ce que c'est normal comme pratique ? Après Charleroi, Molenbeek. Hier, deux policiers ont été poignardés par un homme expulsé du territoire et il avait un but précis, a dit la policière. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour nos flics ? Hier, vers 14h45, dans un parc de Molenbeek, deux policiers, un homme et une femme, arrivent pour interpeller un individu suspect près de la plaine de jeu. On lui demande son identité. L'homme saisit alors un couteau de 25 cm et poignarde une fois le policier et 7 fois la policière. Le coup de spray au poivre n'a pas stoppé cet individu. Ces policiers ont été sauvés par leur gilet pare-balles. La policière dira à ce moment-là avoir pensé à deux choses, maintenir l'agresseur loin d'elle, et puis surtout, elle dit avoir pensé à ses enfants. La policière choquée a eu ces mots à propos de l'agresseur. La force qu'il mettait, la manière dont il tenait, il y avait un but bien précis, dit-elle, fin de citation. Cet homme avait reçu plusieurs expulsions du territoire, mais était toujours là. Il était connu pour de multiples délits commis depuis 2001. La question pour vous ce matin, après Charleroi, Molenbeek, hier, deux policiers ont été poignardés par un homme expulsé du territoire. Il avait un but précis. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour nos flics ? Et puis au 070-233-466, si vous conduisez sous influence, la police pourra vous retirer le permis pendant 6 heures au lieu de 3. Immobiliser 6 heures, ça sert à quoi ? Est-ce qu'on dessoule en 6 heures ou plus vite que ça ? Le ministre de la Justice, Koen Gaens, annonce donc plusieurs modifications de loi pour durcir la répression des chauffards. Sanctionner plus lourdement les récidivistes, c'est l'enjeu. Parmi les mesures, il y a une immobilisation plus grande, un retrait de permis plus long, si vous le voulez. Désormais, donc, les professionnels de la route qui ont un taux d'alcool entre 0,5 et 0,8 pourront être stoppés 6 heures au lieu de 2. Les particuliers dont le taux d'alcoolémie se situe entre 0,5 et 0,8 seront eux aussi stoppés 6 heures au lieu de 3 actuellement. La police estime qu'au bout des 3 heures d'abstinence, eh bien certains n'étaient toujours pas revenus dans le droit chemin, dans les bons chiffres. C'est la question pour vous. Si vous conduisez sous influence, la police pourra vous retirer le permis pendant 6 heures au lieu de 3. immobilisé 6 heures, ça sert à quoi? Marion Jomotte, standard ouvert. Et au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 070 233 466 ou par SMS au 3063 50 cents par message. Ce matin, trois débats, dans C'est vous qui le dites. Un bébé sauvé par des militaires, des policiers poignardés et le retraite permis pendant 6 heures pour les personnes sous influence. Tout est prêt pour commencer le débat. Déborah Laurent, journaliste 7 sur 7 et Gilles De Coster, journaliste pour la chaîne télévision flamande Vire, s'installent en ce moment dans le studio. Benjamin, c'est à vous. Gilles et Déborah, bonjour. Bonjour. Bonjour. Hier à Verviers, heure de midi, et des passants repèrent un bébé dans un maxi-cosy dans une voiture. À ce stade, est-ce que c'est grave ou c'est un comportement normal, Déborah? Ça peut être grave. Ça ne l'était pas hier, puisqu'il faisait chaud, mais que ce n'était pas fournaise non plus dans la voiture, mais ça peut être grave. Maman est allée, Gilles, déposer un document au syndicat. À ce moment-là, on imagine qu'on ne connaît pas la durée de la file. Donc, est-ce que c'est un pari et un risque de laisser un enfant dans cette voiture? Pour moi, peu importe ce que maman est allée faire, moi, je trouve que c'est tout à fait incompréhensible de laisser un gamin, ne fût-ce que pour une minute, dans une voiture, parce qu'on sait qu'il y a eu des cas où des enfants, enfin, où des animaux et des enfants sont morts de par le passé. Donc, je ne comprends pas très bien le risque qu'on essaie de prendre, et surtout ce qu'on essaie d'éviter, de prendre le gamin sur ses bras. Bon voilà, c'est plus important que le confort de la maman quand même. Il y a un élément intéressant, c'est l'ouverture de fenêtre. La fenêtre passager est ouverte de 4 cm. C'est la preuve de quoi ça, Déborah? Que la maman sait qu'il y a un risque de chaleur extrême? C'est un petit geste de bon sens ou c'est peut-être un hasard, ça on n'en sait rien, mais c'est 4 cm de fenêtre. Bah oui, elle l'a laissée ouverte exprès justement pour que le petit ait quand même de l'air. Donc c'est un geste de bon sens, même si effectivement le fait de laisser son enfant de 8 mois dans la voiture, j'ai un bébé exactement du même âge, je peux comprendre, c'est tentant quand on doit juste aller acheter des timbres ou quoi, et que l'enfant évidemment s'endort les 3 minutes qu'on a fait en voiture, c'est un classique. On a envie de le prendre dans... enfin on a envie de le laisser là en se disant oh, ça va aller vite. Mais on se raisonne et on se dit, bah non, pour le même prix, il y a quelqu'un qui casse la vitre, qui repart avec l'enfant, enfin, au-delà de la chaleur. Il circule des vidéos sur YouTube où on met un thermomètre dans une voiture, au soleil, même pas au soleil, et on voit la température augmenter de façon... Mais c'est terrifiant quand on voit comme ça va vite et jusqu'à quelle température ça peut monter dans la voiture. Ça devrait quand même enlever l'idée ou ôter l'idée aux gens de laisser leur bébé dans la voiture. Alors ce sont deux militaires qui vont agir, qui passaient par là par hasard et qui étaient en patrouille, mais pas du tout pour surveiller les bébés, hein, dans le contexte sécurité qu'on connaît. Et ce sont ces militaires avec un cintre qui vont donc ouvrir la portière et récupérer le bébé. Le bébé a pleuré de A à Z pendant toute l'opération, quand les gens étaient là, quand les militaires sont intervenus, et c'est un militaire qui récupère ce bébé en pleurs. Bébé est en pleurs, pourquoi? Parce qu'il a peur de tous ces gens ou parce qu'il se sent en insécurité? Bébé s'est mis à pleurer, puisque c'est ça qui a alerté aussi les commerçants, les passants. À 8 mois, un enfant comprend aussi maintenant, en plus c'est la phase qu'on dit de la séparation, donc il commence à s'angoisser quand il ne voit pas ses parents. Donc voilà, il a dû se réveiller, il a dû être surpris d'être tout seul dans la voiture. Sa seule façon de s'exprimer à cet âge-là, c'est de pleurer, donc il se met à pleurer. Et effectivement, le fait que tout le monde s'approche de la voiture, fasse du bruit, essaye de chipoter juste à côté de son oreille à la vitre, forcément il a dû avoir peur, oui. Je voudrais votre commentaire, Gilles, sur cette image, parce qu'on voit donc ces deux militaires qui récupèrent le bébé. C'est un militaire qui prend le bébé dans ses bras. Il y a une image pleine de tendresse. Ce militaire apparemment était papa depuis pas longtemps. Cette image, elle vous inspire quoi? C'est de l'humanité, pour moi. Mais vous savez, que ce soit des militaires ou de simples passants, j'ai un grand respect pour les gens qui ont quand même tenté de faire quelque chose, et avec succès, au lieu de rester autour de la voiture et à regarder. Mais c'est un grand... oui, c'est une grande image d'humanité. Pour moi, c'est quelqu'un qui voit une autre personne en détresse, en l'occurrence un bébé, et qui s'en occupe. Et que le militaire était plus humain peut-être que la maman, ça vous inspire? Non, c'est pas vrai. Non, la maman, elle a pas voulu mettre son bébé comme ça dans une situation à peu précaire. Non, c'est une idiotie, c'est une faute qu'elle ne fera sûrement plus, ça se reproduira plus, j'imagine, après ceci. Vous me direz dans un instant s'il faut la condamner ou pas, parce qu'elle a été entendue puis elle est repartie. Ganso, rentre d'abord en ligne. Pierre, bonjour. Pierre, venez à nous, je vous entends loin, là-bas dans le téléphone. Pierre, bonjour. Ok, merci, oui. Pierre, hier, deux militaires ont sauvé un bébé de 8 mois qui était seul dans une voiture à Verviers depuis 20 minutes. Maman déposait un document au syndicat. C'est normal comme pratique? Moi, je trouve ça scandaleux, parce que moi, j'ai deux garçons, un de 32 ans et un de 25 ans. Je dis pas que je suis le meilleur du monde, mais moi, j'ai jamais fait ça. Même pas une minute, on peut laisser un bébé qui fait 20 degrés, mais en voiture, il peut faire au soleil 30, 40 degrés. Oui, mais essayons de voir l'histoire. Maman va déposer un document et elle est peut-être piégée par la file. Non. Même pas aller au boulanger, ni rien. Il faut toujours prendre son enfant avec moi. Je suis peut-être dans l'ancien système, mais c'est comme ça, monsieur. Pour moi, mon avis, quoi. Qu'est-ce qu'il risquait, Pierre? Parce qu'il y avait 4 cm d'ouverture à la fenêtre passager. Non, mais ça, c'est... Enfin, il peut y avoir un enlèvement aussi. Un pédophile spécialement, mais n'importe quoi. Hein. Enfin, à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, moi, je serais seul. Est-ce que ce risque-là était réel, Pierre? Parce qu'il a fallu trouver un cintre, et puis les militaires ont dû un peu chipoter quand même avec le cintre. Mais heureusement qu'ils étaient là, quoi. Je ne sais pas, moi. C'est l'inconscience pour moi, quoi. C'est l'inconscience, quoi. Vous diriez quoi à cette femme? Parce que cette femme, elle a juste été déposée un document. Mais juste, ah non, non, bah pas juste. Mais non, il faut prendre. Vous avez un enfant, il faut assumer quand même. Je sais pas, monsieur, à l'heure actuelle, je sais pas, ils ouvrent les portes du côté rue. Ils font n'importe quoi, les parents, maintenant. C'est quoi ça, monsieur Maréchal? Est-ce qu'il faut condamner cette femme? Parce qu'elle a été entendue, non, apparemment, elle risque. Il faut la réprimander, mais pas une amende, ni rien. Mettre sur le droit chemin, quoi. Hein. Et c'est quoi réprimander si ça passe pas dans notre système par une amende ou un tribunal? Avoir un psychologue ou n'importe quoi, il faut bien lui parler, quoi. Un enfant peut pas rester seul une minute, même dans une voiture, quoi, monsieur Maréchal. Je note réprimander, alors Pierre, parce que c'est ce que vous souhaitez, on fait tour de table là-dessus avec Gilles et Déborah. Est-ce que cette femme mérite une sanction, un tribunal, un procès, une réprimande, Déborah? Non, mais non, parce qu'à un moment, quand on est parent, c'est compliqué, parfois on fait des bêtises, on fait parfois tomber notre enfant alors que c'était pas le but non plus, on peut faire des bêtises, donc je pense que ça lui a servi de leçon, elle a dû être surprise et avoir un peu peur en s'approchant de la voiture, donc ça lui a servi de leçon, on devrait pas la juger, c'est une bêtise, voilà. Ça lui a vraiment servi de leçon ou c'était un petit moment anecdotique d'hier? Non, c'est sûrement pas anecdotique. Quand on revient à sa voiture et que son bébé est dans les bras de deux militaires, on doit, à mon avis, en prendre un sacré coup. Et puis, Déborah a raison, chez les parents, il n'y a que des amateurs, il n'y a pas des professionnels, donc les gens font des erreurs, et à mon avis, ici, la dame ne reproduira plus, ou ça ne se reproduira plus, à mon avis. Hier, deux militaires ont sauvé un bébé de 8 mois qui était seul dans une voiture à Verviers depuis 20 minutes. Maman dépose un document au syndicat. Est-ce que c'est normal comme pratique? À vous de vous prononcer. Dans un instant, deuxième débat sur la table. Après Charleroi, Molenbeek, deux policiers poignardés. Est-ce qu'on doit avoir peur pour nos flics, honnêtement? Ensuite, si vous conduisez sous influence, immobilisé pendant 6 heures, ça sert à quoi? Et puis 10h45, le terrible doute à propos de Caterpillar. Quand la direction américaine est venue analyser la rentabilité du site en 2015, elle a débarqué en plein dans une grève de 2 jours liée au licenciement d'un travailleur. Et on dit que c'est ça qui a scellé le sort de Caterpillar. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de vin italien Supremo Primitivo 2015 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai, new thinking, new possibilities. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat, recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Vous avez manqué le match des Diables Rouges? Pas de stress, ayez le bon réflexe et regardez le match quand vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Ce week-end, les matchs de la Jupiler Pro League sont en direct sur Vivacité. Ce vendredi dès 20h, Westland Beveren, Club de Bruges. Ce samedi dès 18h, Eupen, Ostende et Moucron Zultewaregem. Viva Sport, le sport en direct sur Vivacité. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Deuxième débat sur la table avec vous. Vos appels nous diront ce qu'on fait dans la deuxième partie avec Déborah Laurent, 7sur7.be et Gilles de Coster, la chaîne de télévision flamande, Vire. Donc après Charleroi, la machette et les autres agressions. Molenbeek, hier, deux policiers sont donc poignardés par un homme qui avait reçu plusieurs ordres d'expulsion du territoire. Il était donc toujours là. Ces deux policiers, homme et femme, l'homme prend un coup de couteau, la femme en prend sept. Heureusement, il y a les gilets pare-balles. Et on a vu hier sur TVI le témoignage de cette femme dire, à propos de l'agresseur, la force qu'il mettait, la manière dont il tenait, il y avait un but, il y avait un but précis. Vous croyez à ça, Gilles ? Ou c'est juste un homme qui voit la police arriver et qui sort son couteau un peu dans la... Ah non, quand on poignarde quelqu'un sept fois, et le but, il est très clair. Il est de tuer la personne qu'on a en face de soi. Donc, je comprends parfaitement le choc de cette policière. Vous comprenez sa peur quand elle dit ça ? Bien sûr. La manière dont il me tenait ? Elle est dans l'exercice de son métier. Elle trouve un dégénéré, un désespéré peut-être, je ne sais pas comment il faut appeler, le type qui a fait ça. Et elle se fait poignarder sept fois, avec une force qu'elle seule peut nous raconter. Oui, moi, il y a de quoi être traumatisé. Hein. Un couteau de 25 cm. Est-ce qu'on doit commencer tout doucement, Déborah, à avoir peur pour nos flics, pour nos policiers, pour tous les bleus en rue ? Ben oui, je crois que l'autorité, pour le moment, elle est clairement mise à mal. Les policiers doivent avoir peur. Je pense qu'on peut avoir peur aussi, parce que des dégénérés, effectivement, ou des désespérés, on en trouve maintenant un peu à tous les coins de rue. La question dans cette histoire, c'est qu'il avait été expulsé du territoire, qu'est-ce qu'il faisait encore là ? Ah, il avait reçu plusieurs ordres, il était connu depuis 2001 pour des délits, il était effectivement toujours là. Un mot sur la situation, Gilles, hier. Donc ces deux policiers arrivent, on est près d'une plaine de jeu à Molenbeek. Le spray au poivre ne sert à rien, ne sert à rien. La présence de deux policiers ne sert à rien, il faut que ce soit une deuxième patrouille qui arrive pour mettre fin et arrêter l'homme. Ces policiers, même à deux, ils sont super vulnérables. Apparemment, ça c'est le truc qui m'avait un peu arrêté. Bon, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je peux imaginer que ces policiers sont armés, qu'en se faisant attaquer, ils ont quand même le droit de se défendre. Quoi. Donc ça, je ne sais pas très bien ce qui a dû se passer, mais je ne suis pas spécialiste. Par contre, pour le moment, en Flandre, sur Vire, on a une super série sur la police de Molenbeek qu'on a pu suivre de très très près pendant des mois, depuis le 22 mars. Et ces gens font un boulot admirable. Ces gens font un boulot de dingue tous les jours. Et quand ils arrivent à prendre un type pareil, qui est relâché après en dehors les quelques heures, eux, ça les rend dingues. Donc il faut... Moi, j'aimerais quand même qu'on s'arrête un moment à cette force de police de Molenbeek qui fait vraiment un boulot admirable et qui se fait en fait poignarder comme en guise de merci. Ça, on l'oublie parfois. Alors, vous vous souvenez des événements à Charleroi, hein, les coups de machette, c'était en plein cœur de l'été. Ces deux policières, eux, qui ont été grièvement blessés. Il y a encore eu, on en parlait la semaine dernière, une autre agression avec couteau sur policier, puis maintenant Molenbeek. Est-ce qu'on se dirige petit à petit, Déborah, dans l'opinion publique, vers un besoin de surarmer nos policiers ? Donnons-leur des armes, donnons-leur toutes les capacités de réaction, toutes les capacités de légitime défense. Est-ce qu'on se dirige vers ça ? Mais j'imagine que ces deux policiers avaient la capacité de se défendre. Je pense que le problème, c'est que même si on est armé, l'effet de surprise, ça nous met par terre tout de suite. Quoi. On ne s'attend pas à voir quelqu'un qui arrive avec un couteau de combien ? 25 cm. Voilà, donc forcément, c'est même s'ils étaient armés... Un spray au poivre ne l'arrête pas. C'est qu'effectivement, le bonhomme, il avait une idée très précise en tête. Enfin, il savait très bien, un spray au poivre, moi, a priori, on m'en met un dans la figure, je m'arrête d'agir, quoi. Enfin, j'imagine que ça fait mal, j'en sais rien, j'ai jamais expérimenté la chose. Mais du coup, voilà, ça ne l'arrêtait pas parce qu'il était enragé. C'est vraiment ça, 7 coups de couteau, quand même. Hasard ou pas hasard, à Charleroi, l'homme à la machette s'attaque à des femmes. Ici, hier encore, c'est la femme qui a pris beaucoup, 7 coups de policier sur la dame, pas sur le policier homme. Ça veut dire que ces individus ne regardent pas les histoires de vie, les profils. Femme, homme, peu importe, tant que c'est policier, on y va. Je refuse d'essayer de chercher quelque peu de raison dans le chef d'un type pareil. Quoi. C'est un malade mental, donc on ne va pas aller essayer de rationaliser ses pensées ou ses actions. C'était encore une femme qui a été visée, Déborah. Malgré nous, on a un peu le sexe faible, c'est vrai. Physiquement, on restera toujours moins forte qu'un homme. Enfin, bon, avec quelques exceptions, évidemment, mais un homme qui agresse une femme, a priori, l'homme a plus de chances de mettre la femme par terre. On demande un avis à oui. Thierry est en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Thierry, après Charleroi, c'est à Molenbeek. Hier, deux policiers poignardés par un homme qui était expulsé du territoire. Et cet homme avait un but précis, a dit la policière. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour nos flics ? Oui, je pense que nos policiers sont vraiment en danger maintenant. Ce qui se passe, c'est qu'on a les militaires qui sont dans les rues aussi, mais eux qui sont surentraînés et suréquipés. Donc là, on ne s'attaque pas trop à eux. Je suppose que le gouvernement va changer la législation envers les policiers, car on sait tous que les policiers ont quand même les mains liées, étant donné le règlement, les comités épais et tout ça. Parenthèse Thierry, je peux vous demander un avis sur ce qui s'est passé hier. Donc l'homme sort un couteau de 25 cm et la policière dit « je suis sûr qu'il avait un but bien précis ». Est-ce que vous êtes sûr de ça aussi? Oui, oui. Vu ce qui se passe maintenant dans notre vie actuelle, on voit bien que ces personnes-là ont un but bien précis et c'est, entre guillemets, casser du flic, s'attaquer à l'autorité. Mais ce n'est pas un acte terroriste. On ne connaît pas ses raisons, mais tout le monde s'accorde à penser ce matin que ce n'est pas un acte terroriste. Alors quel est l'objectif? Mais justement, c'est s'attaquer à l'autorité. C'est des gens qui veulent s'attaquer vraiment à l'autorité, à l'image de l'autorité du pays. Donc c'est vrai, c'est pas un acte terroriste, c'est peut-être un acte isolé, mais on remarque que ça se fait de plus en plus. S'attaquer à l'autorité pays. Alors je retiens ça Thierry, et je fais tour de table là-dessus. C'est pas un acte terroriste, tout le monde a l'air d'accord là-dessus Gilles. C'est quoi alors? Non, ça me paraît pas être un acte terroriste, mais c'est en effet, oui, les flics sont, et les militaires d'ailleurs aussi, mais ils en ont plus peur probablement, ce sont des cibles évidentes on va dire. Ce qui pour moi ne fait qu'augmenter mon respect, parce que ça veut dire que ces gens font leur boulot déjà difficile dans des situations encore plus difficiles. Mais je sais pas comment on peut solutionner les actions d'un malade mental comme celui qu'on a vu hier. Je sais pas comment on peut éviter ça. Un mot sur cette surprise, Déborah, c'est que l'homme a commis de multiples délits. Il fait l'objet de plusieurs ordres d'expulsion. Et malgré ça, au lieu de se la jouer discrète, il y va. Quel est le but de cet homme? Le but, en tout cas, la raison, c'est qu'il a plus rien à perdre, visiblement. Quand on s'attaque comme ça aux gens alors qu'on a un avis d'expulsion, l'homme, c'est quoi son avenir? Je ne lui trouve pas d'excuse, mais c'est vrai que acte terroriste ou pas, on ne sait pas, mais maintenant la frontière entre un acte terroriste et un acte de fou furieux dégénéré, flou, hein. Ça devient très mince, parce que maintenant les terroristes ont, eux-mêmes parfois n'ont pas de raison précise, on les appelle terroristes, mais c'est peut-être juste des tarés, quoi. Donc, Oui ou non, il y aura un effet de contamination, il y a déjà, donc on a vu Charleroi deux fois avec des couteaux, ici Molenbeek, il y a un effet de contamination. On a envie de dire ça, et je comprends qu'on a envie de le penser, mais je ne sais pas, il faudrait voir les chiffres. Je ne crois pas, honnêtement je ne crois pas, mais on a envie de le dire. Déborah? Moi j'ai quand même l'impression que c'est, oui voilà, on a envie de le dire effectivement, j'ai quand même l'impression que c'est ça qui est en train d'arriver, et quelle est la solution, ça c'est la grande question, si eux n'arrivent pas à désarmer un homme, qui peut le faire? Alors après Charleroi, Molenbeek, hier, deux policiers ont été poignardés par un homme expulsé du territoire. Il avait un but précis, a dit la policière. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour nos flics? Dans un instant, le troisième débat sur la table. Si vous conduisez sous influence, c'est nouveau. On pourra vous immobiliser 6 heures. Ça sert à quoi? Et puis 10h45, la question qui dérange avec le terrible doute Caterpillar. Quand la direction américaine est venue analyser la rentabilité du site en 2015, eh bien l'émissaire est arrivé, c'est le hasard, mais en plein dans une grève de deux jours qui était liée au licenciement d'un travailleur. Et on dit que c'est ça qui aurait scellé le sort de Caterpillar Gosselies fermé. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. Vivacité présente le meilleur de l'Extraordinary Film Festival. Les 16 et 17 septembre à Uccle. Renseignements teff.be avec Cap 48 et Vivre Ici. Vive à Bruxelles est là de présente Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte, tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Vivacité et Tour des Sites Organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Un problème, Camille ? Non, c'est juste les joies de la rentrée. Les enfants laissent toujours tout traîner. Camille, vous avez besoin de rangements sur mesure Camber pour démarrer la rentrée bien rangée. Vestiaires, bureaux, placards sur mesure, les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour vous conseiller. En plus, chez Camber en ce moment, c'est l'action Back to School. Camber, more space for your place. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina. Point BE, c'est bien pensé. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Avec vous, bien sûr, avec Déborah 7sur7.be, avec Gilles, la chaîne de télévision flamande Vire. Voyons quelle conversation s'imposera. Troisième débat sur la table, c'est nouveau. Koen Gaens a donc présenté de nouvelles mesures pour durcir la répression des chauffards. Et dans l'arsenal qui a été présenté, épinglons ce moment. La police pourra donc désormais vous retirer le permis, enfin vous immobiliser pendant 6 heures au lieu de 3. Immobiliser 6 heures. Ça sert à quoi, Déborah ? Est-ce que sur le principe, 6 heures, ça vous semble bon ? Trop ? Bon, ça sert un peu quand même à dissouler. 6 heures, c'est pas mal, quoi. Ça laisse le temps de revenir à des niveaux. C'est ça qu'ils expliquaient. Ils choisissent 6 au lieu de 3, parce que 3, c'était pas suffisant parfois pour revenir à un niveau acceptable. Donc 6 heures, ça me semble correct. Il y a une évolution énorme pour les transporteurs routiers. On pouvait les arrêter donc pendant 2 heures, quand ils étaient entre 0,5 et 0,8. Maintenant, les transporteurs routiers, on va les arrêter pendant 6 heures. On passe de 2 à 6. Oui. Quel bon. Moi, je trouvais ça déjà choquant que c'était 2 pour des transporteurs routiers. Moi, je trouve ça choquant s'ils sont bourrés, c'est qu'il faut les arrêter plus de 2 heures pour moi. Est-ce qu'on est bourré entre 0,5 et 0,8 ? Non, on n'est pas dans la loi, donc il faut s'arrêter. Voilà. Qu'on soit bourré après, c'est un autre débat, mais on n'est plus en état de rouler. C'est le législateur qui a décidé ça il y a quelques années, et on a qu'à s'y faire. Mais 2 heures, je ne sais pas. 6 heures, est-ce qu'on dessoule ? Oui, j'imagine qu'on doit pouvoir. Ça va mieux, en tout cas, oui. Quel sentiment ça va générer chez l'automobiliste ? Parce qu'être immobilisé 2 heures, c'est déjà parfois très contraignant. Le particulier, lui, était arrêté 3 heures, et là, maintenant, 6 heures. Quel sentiment ça va générer chez celui qui est immobilisé ? Ah ben, de l'agacement, mais bon, ça lui donnera probablement envie de plus trop boire au volant, ce qui est le but. Donc, à un moment, c'est une erreur de boire au volant, donc on se fait immobiliser. Ça va, ça peut être pire. Ça va l'agacer, mais est-ce que ça va vraiment lui donner cette leçon ? Parce que le but de Koen Gaens, c'est d'empêcher les récidives. On voit que sur l'alcool, il y a beaucoup de récidivistes. Est-ce que ça va vraiment l'empêcher ? En tout cas, ça devrait. C'est l'idée. Donc oui, moi, je pense que je me fais arrêter une fois 6 heures. J'ai pas envie qu'on recommence. Donc, a priori, on m'y reprendra plus. Je trouverai un vrai Bob. Déborah, il met un doute, Gilles. Moi, je suis très cynique là-dessus. La seule chose qui arrive à les aider à ne plus le faire, c'est des gens dans leur famille, dans leurs amis qui meurent suite à des accidents. Et encore, ça dure 1 an, 2 ans, et puis après, tout le monde se remet à boire. Moi, j'ai vu ça quand j'étais jeune. Il y a eu 2-3 accidents liés ou bien à des jeunes conducteurs ou bien à des gens ayant bu de l'alcool. Il y a eu des décès de très jeunes personnes. Et en fait, c'est un effet choc pendant un petit temps. Et après un bout de temps, tout le monde se remet à dire « Oui, moi, allez, 2-3 bières, il n'y a pas de souci. » Donc, il n'y a rien qui va dissuader les gens à faire des bêtises. On est humain, on fait des bêtises. Et après, j'imagine que 6 heures, il y a quelqu'un, quelque part, dans un bureau qui a dû calculer que ça a dû être une bonne longueur d'immobilisation pour après pouvoir reprendre la route. Donc voilà, moi, je ne suis pas spécialiste. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais j'imagine qu'il y a une raison derrière les 6 heures versus les 3 heures. Ah bon, on va demander un avis au 070-233-466. Marion, donc, sur la table, si vous conduisez sous influence, la police pourra vous retirer le permis pendant 6 heures au lieu de 3. Immobiliser 6 heures, ça sert à quoi, à ce propos ? Eh bien, à ce propos, selon Grégoire de Champion, qui préférait garder l'anonymat, eh bien, 6 heures, c'est trop pour dessouler. Grégoire estime que 3 heures, c'était largement suffisant. Généralement, juste le fait d'être arrêté et d'être dans le pétrin, eh bien, c'est un dessoulant rapide. Grégoire a déjà été arrêté plus d'une fois en état d'ébriété et il était à 0,6, 0,8 et après 2 heures, il pouvait déjà repartir. Il n'avait plus les effets de l'alcool, selon lui. Il a bu beaucoup d'eau, a tenté de faire une petite sieste et puis c'est surtout le fait d'avoir été arrêté, d'avoir stressé qui l'a permis de dessouler rapidement. Il y a donc 2 conversations ce matin avec les professionnels de la route qui devaient être immobilisés 2 heures et les particuliers que nous sommes qui étaient immobilisés 3 heures. Bah, désormais, c'est tout le monde à 6. Alors je termine rapidement autour de la table. Déborah, en 6 heures, vous dessoulez quand vous êtes à 2-3 verres. Il vous faut moins de temps, plus de temps ? Ah bah ça dépend. Bah, 2-3 verres, j'imagine qu'il me faut moins de temps. Après, je ne sais pas, dans le corps, chimiquement, biologiquement, à mon avis, on a quand même des réflexes moindres. Même si on a l'impression d'avoir dessoulé, je pense que l'alcool nous fait... c'est affaire de quelques quarts de seconde, mais sur la route, ça peut compter. Quoi. Donc, je suppose qu'effectivement, il y a des gens qui ont établi des théories très précises, scientifiques. Vous avez déjà été immobilisé par la police ? Jamais. Jamais. Jamais, mais je suis une femme et figurez-vous que je me fais jamais contrôler pour souffler dans le ballon parce que je pense que dans la tête des gens, une femme ne boit pas quand elle conduit. Ah bah alors, blague. Voyons chez l'homme, vous avez jamais. Déjà été immobilisé, Gilles, par non, police. Non, j'ai souvent été contrôlé, mais ça c'est, j'ai très peu de principes, mais ça c'est un principe, je prends jamais la route ayant bu quoi que ce soit, donc ça je ne le fais pas, donc, je ne le ferai jamais. À titre personnel, pour titre confronter personnel. Ça aux 6 heures, vous dessoulez plus vite que ça ou moins vite que ça? Il faudra demander à les gens qui m'entourent, je ne sais pas combien de temps ça me prend généralement, mais c'est, pour moi c'est même pas important, on ne boit pas quand on roule, point à la ligne, c'est ce qu'il y a de plus facile à suivre. Et apparemment, l'effet de se faire immobiliser, comme on entendait l'auditeur anonyme à l'instant, ça ne l'a pas empêché d'être déjà avoir été immobilisé souvent en état d'ébriété. Donc les gens, apparemment, ce n'est pas ça qui va les dissuader. Ah il ne faut simplement pas boire quand on prend la route, c'est ce qu'il y a de plus simple à suivre. Votre comportement, mais certains récidivent, c'est ça l'enjeu de la loi, enfin du texte Gaines présenté hier. Gilles de Coster, Déborah Laurent, bonne route tous les deux. Merci à vous. Merci, au revoir. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Hier, deux militaires ont sauvé un bébé de 8 mois qui était seul dans une voiture à Verviers depuis 20 minutes. Maman allait déposer un document au syndicat. Est-ce que c'est normal comme pratique? Ensuite, après Charleroi, Molenbeek. Hier, deux policiers ont été poignardés par un homme expulsé du territoire. Il avait un but précis, a dit la policière. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour nos flics? Et puis, si vous conduisez sous influence, la police pourra vous retirer le permis pendant 6 heures au lieu de 3. Immobiliser 6 heures, ça sert à quoi? Est-ce qu'on dessoule en 6 heures ou plus vite que ça? 070-233-466 par SMS au 3063. Nous allons à Quin, c'est la région de Tournai. Laetitia, bonjour. Bonjour, Benjamin. Hier à Verviers, une maman va déposer un document au syndicat et bébé dans la voiture, dans le maxi-cosi. À ce stade, vous me dites quoi? Bah, je le prends avec. Bah oui, automatiquement. Enfin, par des chaleurs comme ça, j'imaginerais même pas de laisser mon bébé comme ça dans la voiture. Oui, mais hier, maman a laissé 4 cm d'ouverture. 4 cm d'ouverture. Oui, mais bon, c'est pas... Oui, d'accord, je peux comprendre. Maintenant, peut-être qu'elle pensait que, voilà, elle allait passer directement, tout de suite. Mais voilà, on sait que dans des lieux comme ça, il y a toujours des gens, et voilà, et on ne sait pas combien de temps la personne qui est avant vous, on ne sait pas combien de temps cela va se prolonger. Donc, voilà, donc c'est toujours le hic, quoi, en fait. Laetitia, est-ce qu'on peut... Dans les circonstances atténuantes, est-ce qu'on peut se dire que cette femme se dit « je vais à la FGTB, je peux en ressortir en une minute » ou c'est impossible de ressortir en une minute? Non, franchement, je vais vous dire c'est impossible. Impossible. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible, sauf éventuellement de mettre un courrier dans la boîte aux lettres et vite retourner à l'auto. Mais sinon, quand on rentre vraiment dans le lieu, on sait très bien, on doit déjà prendre un ticket à la FGTB maintenant pour... Vous avez déjà vu? Vous avez déjà vu, vous, un bébé tout seul dans une voiture? Vous avez déjà vu ça? Bah oui, il va avoir un an au mois d'octobre. Il est chaud aussi. Et voilà, ça nous a vraiment... Je vous dis, c'est mon mari qui a eu l'instinct de regarder dans la... C'était une Jeep juste à côté. Où ça? Dans la voiture. Où ça, Laetitia? Vous avez vu un bébé où? Au Bastillon. Au centre commercial des Bastillons. Et il y avait un bébé tout seul sur le parking? Il y avait un bébé de 6 mois, à plus ou moins 5-6 mois, tout seul. Et je vous dis, c'est mon mari qui a fermé l'auto. Franchement, j'aurais été seule, je ne sais pas si j'aurais eu l'instinct de regarder. Franchement, je vais vous le dire, parce que bon, il y avait une voiture avant nous, et on l'a vu partir, et voilà, et cette voiture, apparemment, cette personne, elle n'a pas regardé dans la voiture. Laetitia, les deux militaires qui hier à Verviers, en pleine heure de midi, voient l'attroupement, viennent, et puis avec un cintre, crochettent le bazar, sortent le bébé, puis le bébé en pleurs arrive dans les bras du militaire. Ils se sont mêlés de ce qu'ils ne regardaient pas, ou ils ont sauvé ce bébé? Non, franchement, ils ont eu raison. Il fallait le sortir de là? Bien sûr, oui. La maman, elle mérite... On laisse déjà pas un animal dans la voiture. Déjà ça, on en parle beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Et alors là, un bébé, c'est encore plus grave, quoi. Donc, mérite une sanction ou pas? Bah, si c'est la première fois, parce que moi, je ne sais pas, je vous dis, mon mari s'est pas fait connaître parce que la maman est arrivée une demi-heure plus tard dans une hystérique, pas possible. Elle comprenait même pas pourquoi les vigiles du centre commercial avaient appelé la police. Ah ben vous, c'est une demi-heure. Dans ce cas-ci, c'est 20 minutes. Donc on est vraiment dans la même moyenne. Hein. 20 minutes ici, et vous, une demi-heure.

pas une pils, on va dire une bière régionale. Et je me suis fait contrôler 10 minutes après. Il justifie le policier 6 heures ? Il justifie les 6 heures parce qu'a priori, à l'époque, la loi disait « je peux vous immobiliser 3 heures ». En fait, j'avais oublié mon papier d'assurance. Donc, au départ, le policier ne voulait même pas me faire souffler dans le ballon. Puis, vu que j'avais oublié mon assurance, bah, ils ont simplement fait des allocations supplémentaires. Mais le problème, c'est que ça dépend du temps qu'on vous laisse et aussi de la quantité d'alcool que vous avez ingéré. Vous avez fait quoi de ces 6 heures ? Je suis rentré chez moi en marchant, j'ai mangé, et puis quand j'ai récupéré mon permis, on m'a fait souffler dans le ballon et j'étais à zéro. Et, mais ce qu'il y a eu à l'époque aussi, c'est que le policier qui a constaté l'infraction, eh bien, m'a demandé de faire des choses très simples, comme éventuellement marcher sur ligne droite, comme ça se passe aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous avez su le faire ou pas ? Moi, je voulais dire... Pardon ? Vous avez su le faire ou pas ? Ah ben bien sûr, il a noté dans le rapport aucun problème d'agressivité ou de concentration. Vincent, est-ce que ça vous a donné une leçon ? C'est ça l'enjeu pour Kungen, c'est faire en sorte que plus jamais le chauffard récidive. Ça m'a donné une leçon. Mais bien sûr, monsieur Maréchal. Non, ce que je voulais dire, c'est que par exemple aux États-Unis, parce que honnêtement, moi je pense que, en fait, toute personne bien constituée, et ça c'est médicalement prouvé, après 12 heures, bien, son estomac et ses poumons ne rejetteront plus de vapeur d'alcool. Peu importe la quantité que vous avez bu. Vincent, un mot alors sur les timings. 12 heures, on n'y sera pas. Aux États-Unis, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont la liberté, justement, parce que, honnêtement, imaginez quelqu'un qui, ok, souffle dans le ballon, ok, il n'a pas de vapeur d'alcool dans la bouche, dans l'estomac, dans les poumons. Mais par contre... 3 heures ou 6 heures, Vincent ? Il est déconcentré. Ah ben, je suis pour les 6 heures, totalement. Ah, vous n'êtes pas pour les 3 heures, c'est important parce que vous les avez testées. Ce sera le sondage tout à l'heure si la conversation s'impose. 3 heures ou 6 heures ? Avant de parler des États-Unis, Kungen, ça a l'idée pour nous les Belges. 3 heures ou 6 heures ? Moucron maintenant. Alain, bonjour. Bonjour Benjamin. Après Charleroi, Molenbeek. Hier, deux policiers poignardés par un homme expulsé du territoire et il avait un but précis. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour nos flics ? Est-ce qu'ils sont en danger ? Alors, je pense que malheureusement, comme la société, on ne doit pas non plus ne plus penser qu'à ça, mais effectivement, je pense qu'ils sont en danger, d'autant plus que ces gens qui sont constamment sur le terrain sont, à mon sens, insuffisamment préparés et plus encore insuffisamment recyclés. Je pense que vous êtes instructeur dans le domaine de la violence et de la maîtrise de la violence, donc vous connaissez ces situations. L'homme qui met un coup de couteau 25 cm au policier et 7 coups de couteau dans la policière, il a une intention de tuer ? Ah ben à votre avis, un couteau de 25 cm, et bien même si le couteau était de plus petite taille, à partir du moment où quelqu'un vous poignarde, tente de vous couper ou de vous piquer, il y a bien sûr attention de tuer. C'est une arme létale, le couteau. Qu'est-ce qu'elle veut dire la policière quand elle dit « la manière dont il me tenait » ? Écoutez, je ne sais pas comment elle a pu ressentir ou vivre les choses, mais qu'elle soit tenue ou pas tenue, à partir du moment où l'agresseur fait mouvement avec son arme dans sa direction et là de surcroît de manière violente, dynamique, bien, il y a de toute façon atteinte à son intégrité et à sa vie. Mais un spray au poivre ne l'a pas stoppé, hein, cet homme. Un spray au poivre envoyé par le policier masculin n'a pas stoppé l'individu. C'est l'occasion de se rendre compte que même si on dit qu'un pepper spray de type tel que sont équipés nos policiers ou nos militaires, il est relativement... extrêmement efficace en général. Et puis bon, ben là, on voit que ça n'a eu malheureusement aucun effet. Ah là, ça n'a pas eu d'effet. C'est une patrouille qui arrivait dans le coin qui a dû attraper l'individu qui, entre-temps, s'était enfoui. Merci Alain pour l'analyse. On va à Woluwe-Saint-Lambert dans un instant. Maxime nous dira si c'est normal, hier, en plein midi, de laisser un bébé tout seul dans une voiture pendant que maman va au syndicat. Rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oui, bonjour, je suis bien aux urgences ? Oui, je vous écoute. Alors, j'aimerais qu'on m'emmène d'urgence dans un Proximus Center. J'ai vu un iPhone 6S pour 99€. Vous êtes aux urgences ici, madame ? Ben justement, c'est une urgence. Foncez dans votre Proximus Center et recevez un iPhone 6S pour seulement 99€ avec un abonnement Smart Plus Phone 45. Infos et conditions dans votre Proximus Center. Proximus, infiniment proche. Vivacité et la Une présente Italia Chevetogne, le plus grand rassemblement de la communauté italienne de Belgique avec un seul maître mot, authenticité. Cet événement se déroulera les 10 et 11 septembre 2016 au domaine provincial de Chevetogne. Plus d'infos sur l'événement Facebook Italia Chevetogne 2016. De l'expertise, du cœur et de la passion. C'est ce qu'Intermarché vous propose durant ces 3 semaines de foire au vin. Nos experts partagent avec vous une sélection de qualité et toujours au prix le plus bas. De quoi vous faire plaisir jusqu'au 25 septembre. Ouvert dimanche et jours fériés, horaires en magasin. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez. Ne manquez pas la deuxième édition du Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Thielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché. Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood. BJ Scott. Steve Barrow. Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Avec vivacité. En télé sur la Une. Elle est sortie de son sac de sport et tout ce qu'elle a vécu avant, elle l'a oublié. Tous ses tatouages sont récents. C'est une carte au trésor. Chaque tatouage est une clé. Chaque clé conduit à un crime. Blind Spot, les 3 premiers épisodes, ce jeudi sur la Une. Et au 070-233-466 sur la table, Marion, si vous conduisez sous influence, la police pourra vous retirer le permis pendant 6 heures au lieu de 3. Immobiliser 6 heures, ça sert à quoi à ce propos? Eh bien, à ce propos, pour Roxane de Granlay, ça ne sert à rien. Elle trouve que les personnes qui prennent le volant en ayant bu ne se rendent pas vraiment compte des dangers qu'elles représentent pour elles-mêmes, mais surtout pour les autres. Alors attendre 6 heures, ce n'est pas une punition suffisante. Ce que Roxane recommande, c'est soit un retrait de permis de 6 mois minimum, soit des visites dans des institutions qui s'occupent de victimes de la route pour toutes les personnes arrêtées sous influence de l'alcool. C'est vous qui dites à Woluwe Saint-Lambert. Maxime, bonjour. Bonjour Benjamin. Hier, à Verviers, heure de midi, 2 militaires sauvent un bébé de 8 mois qui est seul dans une voiture. Pendant 20 minutes, maman est allée déposer un document au syndicat. Est-ce que pour vous, c'est une pratique normale? Non, du tout. Moi, étant donné que je suis un jeune papa de 26 ans d'un bébé de 2 mois et demi, voilà, je trouve ça insensé de laisser déjà son bébé, ne fût-ce que même pour une minute, 30 secondes, même mettre une lettre à la poste ou autre. Moi, ça ne me viendrait jamais à l'idée de le laisser. Surtout qu'il faut savoir, là, on est beaucoup centré sur la chaleur qu'il peut faire à l'intérieur de la voiture ou autre. Mais un bébé, on doit porter 100% d'attention sur un bébé. Quel âge a le vôtre ? 2 mois et demi. Ok, là, on a un bébé de 8 mois. Est-ce que cette maman qui connaît son bébé peut prendre ou faire ce pari? Elle connaît son bébé, elle connaît sa voiture et elle a 4 cm. Est-ce qu'elle peut faire ce pari? Non, du tout, parce qu'on connaît son bébé ou autre. Il peut prendre un objet dans la voiture qui traîne ou quoi, parce qu'ils savent déjà... Il est attaché dans le maxi-cosi. Oui, tout à fait. Mais il peut s'étrangler, avoir suffoqué ou autre chose. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver à un bébé. Donc, pour moi, un bébé doit avoir 100% d'attention. On doit le prendre partout. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait le sortir de là, comme l'ont fait une partie de la population et les militaires, ou il fallait venir près de la voiture et simplement le rassurer, jouer à travers la vitre, mais le laisser dans cette voiture qui appartient à sa maman? Non, je pense que les militaires ont eu un beau geste. Ils devaient tout simplement le sortir pour qu'il soit en sécurité. Ce bébé, il pleure. Il pleure de A à Z. Il veut dire quoi en pleurant là? Il veut dire quoi? Un bébé qui pleure, déjà, bon, en tant que maman, on sait quels sont, et maman en tant que papa, quels sont les différents pleurs qu'a un bébé. Et là, je suppose que c'était un pleur déjà de peur et autres, et il voulait être rassuré. Je suis sûr, maintenant, je ne sais pas si on l'a dit, mais je suis sûr que dès que les militaires l'ont pris ou autre, voilà, il commençait à se calmer. Il y a cette image que vous pouvez commenter qui est dans mon dos si vous nous regardez sur la une télé, c'est celle de ce militaire qui lui donne légèrement à boire et on voit une habitante de Verviers qui met sa main juste en dessous de la bouche de bébé pour ne pas avoir les gouttes sur son pyjama ou sur sa tenue. Maxime, vous ne l'auriez pas fait. Villevorde en ligne, Teddy, bonjour. Bonjour Benjamin. Après Charleroi, Molenbeek, deux policiers poignardés par un homme expulsé du territoire, on doit s'inquiéter pour nos flics ? Il faut s'inquiéter, effectivement, oui. Vous en connaissez ? Il faut s'inquiéter et je vous dirais que la police devrait se préparer peut-être à savoir se défendre au corps à corps. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Ils sont là et la dame policière essaie de le maintenir à distance. Malgré ça, elle se prend 7 coups de couteau et elle essaie de le maintenir à distance. Et son collègue à côté, qu'est-ce qu'il fait Benjamin ? Ah ben il avait reçu un coup de couteau aussi. L'homme était énergique, apparemment. Il était énergique, ils ont des armes, il faut les utiliser quand il faut les utiliser. Ah, vous ne discutez plus. Vous ne dites pas bravo à ces policiers qui ont agi au spray au poivre. Si, je dis bravo aux policiers, effectivement, mais bon, alors, sept coups de couteau, il en a reçu un, il était seul, qu'il soit maîtrisable ou pas, c'est des flics qui doivent savoir remettre le coup. Je suis désolée, Benjamin. Alors, si la conversation s'impose, se pose la question de la bonne réaction de ces policiers-là. Est-ce qu'ils ont bien agi ? Oui, il fallait aller un cran au-dessus. Teddy, si la conversation s'impose, on en reparle. À tout à l'heure. Viva Bruxelles présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au Parvis de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h, info stj800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. Une place près d'un mur, attention à ma voiture, check à gauche, check à droite, ferme la porte et puis s'en va. Avec les caméras 360 degrés, se garer est un jeu d'enfant. Profitez de nos Techno Deals du 8 au 17 septembre. Il y a déjà un Nissan Qashqai à partir de 19 990 €. Nissan. Innovation that excites. Offre soumise à condition. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival du vin. À l'achat de 6 bouteilles identiques, recevez un magnum gratuit du même vin parmi une sélection de 11 vins. Profitez-en jusqu'au 20 septembre inclus. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Ne cherchez plus les meilleures affaires. Ce sont les Container Deals de MediaMart. Sous les projecteurs, une centrale vapeur Philips pour 149 € seulement. Soit 110 € de moins. Maintenant dans nos magasins et sur MediaMart.be. MediaMart, je ne suis pas fou. Vivacité La Une présente, ces 10 et 11 septembre, les 28e journées du patrimoine. Vivez un voyage à travers les religions et les philosophies. Une expérience gratuite, ludique et didactique à vivre dans toute la Wallonie. Info, journeedupatrimoine.be ou téléchargez notre application. Une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. Viva 10h. Flash et Lionel Denebourg qui nous informe. Bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. L'Europe va mettre en place une task force, un groupe de travail chargé de la fermeture de Caterpillar, des experts qui viendront en appui pour négocier avec le géant américain. Cet après-midi, le Premier ministre Charles Michel et le ministre Chris Peters seront présents au Parlement pour un débat sur l'avenir des travailleurs et l'avenir du site de Gosselies. Mouvement de panique ce matin dans une station de tram à Saint-Gilles. D'après le porte-parole de l'ASTIB, un adolescent a jeté un sac dans le tram depuis le quai avant de s'enfuir. La station de pré-métro a dû être fermée. Un moment, une mauvaise plaisanterie visiblement. Le propriétaire du sac a été identifié, mais il n'est pas certain que ce soit lui qui l'ait lancé. Une nouvelle audition ce matin pour Salah Abdeslam, le principal suspect vivant des attentats du 13 novembre dernier. Il est entendu en ce moment par un juge antiterroriste à Paris. Depuis son arrivée en France, Salah Abdeslam n'a pas dit un mot aux enquêteurs. Les Jeux paralympiques pour les athlètes handicapés commencent à Rio. Les premières épreuves aujourd'hui avec déjà des Belges engagés, notamment en tennis de table et en natation. Il y a 4 ans à Londres, la Belgique avait ramené 7 médailles des Jeux paralympiques. Notre équipe nationale de basket s'est imposée hier soir contre l'Islande, 80-65. Match de qualification pour l'Euro 2017. La Belgique a pris à elle seule la tête de son groupe. En tennis, place aux demi-finales femmes de l'US Open de tennis. Serena Williams face à la Tchèque Karolina Pliskova. Et puis dans la foulée, la Danoise Wozniacki jouera contre l'Allemande Kerber. Un mot à vous signaler pour les amateurs de bière. Tout d'abord, avant de passer au point mobile info, la triple Carmélite et la Quack appartiennent désormais à AB InBev. Le géant mondial rachète la brasserie Bostel. C'est une brasserie fondée en 1791. On ne connaît pas le montant de la transaction. La météo, encore plein soleil aujourd'hui avec seulement quelques voiles nuageux cet après-midi. Les températures iront de 24 à 28 degrés. Le point RTBF Mobile Info, on peut y aller avec Stéphane Piedbeuf et un accident sur la E42, Stéphane. Et oui, boire ou conduire, il faut choisir. Je vous parle de cet accident sur le 42 Liège-Namur entre Loncin et Grasse-Sologne. Les bandes de gauche et la voie centrale aussi sont obstruées. Il y a 3 km de ralentissement depuis Loncin. On ajoute 10 minutes et puis cet accident a des répercussions sur l'E40 qui vient de Liège depuis Rocourt en direction de Namur. Pour rejoindre Bruxelles, ça se passe beaucoup mieux. Quelques ralentissements sur le 411 qui vient de Namur où vous ralentissez à partir de Voreil jusqu'au carrefour Léonard. Sur le 40 qui vient de Liège à partir de Berthem. Alors sur le ring, un accident vient de nous être signalé en circulation intérieure à hauteur de Grimbergen. La bande de gauche est neutralisée, il y a des files en direction de Zaventem et actuellement on perd du temps entre Grand Bigard et Zaventem, une dizaine de minutes, ailleurs c'est moins de 5 minutes. Dans Bruxelles, c'est dans le tunnel Léopold II vers le midi que vous êtes ralenti et puis un événement à Braine-le-Château, il s'agit des rencontres médiévales. Le centre de Braine-le-Château est fermé à la circulation jusqu'au lundi 12 septembre 17h. Des déviations sont mises en place et ces déviations sont interdites aux poids lourds. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Merci Stéphane et on reprend notre papote dans C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Eh ben reprenez une tasse de thé alors mon vieux. Et la rédac... Café plutôt. Mais je vous en prie. La rédac revient tout à l'heure à 11h. Merci Lionel. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. À 10h45, la question qui dérange, Caterpillar, le terrible doute. Quand la direction américaine est venue analyser la rentabilité du site en 2015, eh bien elle a débarqué en plein dans une grève de 2 jours qui était liée au licenciement d'un travailleur. Et c'est ça qui aurait scellé le sort de Caterpillar, dit-on. C'est le terrible doute de ce matin. Je vous refais rapidement la ligne du temps. Nous sommes en 2013, Caterpillar a donc licencié 1331 personnes. Et il paraît qu'à ce moment-là, ça a apporté ses fruits. En septembre 2015, la direction américaine a donc envoyé un émissaire pour mesurer la productivité du site. Et c'est la fâcheuse coïncidence que cet émissaire tombe en plein dans une grève qui est liée au licenciement d'un travailleur qui aurait insulté un directeur. Notez qu'à l'époque, déjà, en fouillant dans les archives du JT de la RTBF, on trouvait un chef d'équipe impliqué en plein dans la grève qui avait émis quelques doutes. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, des autres le font, tout simplement. C'est-à-dire ? Mais que notre production s'en ira soit en Chine, soit aux États-Unis, où est-ce qu'il y a moyen de faire des mêmes machines que nous ? Ah, évidemment, à l'époque, on ne savait pas que, mais c'est le terrible doute peut-être confirmé. S'il n'y avait pas eu cette grève, peut-être qu'il y aurait encore ouverture aujourd'hui. Mélanie Joris, dans ce dossier, vous cherchez le bon interlocuteur. Avez-vous une piste ? Oui, plusieurs pistes. On tentera de parler avec un délégué syndical qui était présent au moment de cette grève de 2015. Je tenterai du côté de la CSC, du 7K et de la FGTB. Vous avez un éclairage dans ce dossier. Laissez-le à Marion, standard. Et le problème pour Geoffrey Dandelu, c'est que c'est trop facile de tout remettre sur le dos des syndicats. La direction cherche à se déresponsabiliser, mais ce sont les patrons qui sont responsables de cette fermeture de Caterpillar, pas les syndicats ni les ouvriers qui se sont battus pour un emploi ce jour-là. La Belgique est une démocratie où le droit de grève est respecté, que ça plaise ou non aux Américains. Caterpillar, donc le terrible doute, quand la direction américaine est venue analyser la rentabilité du site en 2015, elle a débarqué en plein dans une grève et c'est ça qui aurait scellé le sort de l'entreprise. Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. Hier, 2 militaires ont sauvé un bébé de 8 mois qui était seul dans une voiture à Verviers depuis 20 minutes. Maman déposait un document au syndicat. Est-ce que c'est normal comme pratique ? Après Charleroi, Molenbeek. Hier, 2 policiers ont été poignardés par un homme expulsé du territoire. Et il avait un but précis, a dit une policière. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour nos flics ? Et puis si vous conduisez sous influence, la police pourra vous retirer le permis pendant 6 heures au lieu de 3.

Hier à Verviers, cette foule autour d'un véhicule dans lequel se trouve un bébé de 8 mois qui est là tout seul depuis 20 minutes. Le bébé pleure, la foule commence à devenir très nombreuse. La police est appelée, mais ce sont les militaires qui sont rapidement sur le terrain puisqu'ils patrouillent, sont là totalement par hasard et c'est eux avec le cintre qui vont parvenir à débloquer la portière. Maman a laissé une fenêtre entrouverte, 4 cm côté passager. Maman est allée déposer un document au syndicat. Est-ce que c'est une pratique normale ? 070-233-466 par SMS au 3063. Et à Bassilly, Grégory est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez un bébé de 14 mois. Avant de revenir à ce qui s'est passé à Verviers, est-ce que vous, vous le laissez tout seul dans l'auto de temps en temps ? Oui, ça arrive. Oui. Dans quel contexte ? Pour une petite course, oui. Pendant grand maximum 5 minutes. Ben, je dis bien grand maximum 5 minutes. La dernière fois que vous l'avez laissé seul, c'est quand ? C'est quand, Grégory ? Hier. Hier, vous avez fait quoi hier, alors ? J'ai été faire une petite course à un petit magasin, en fait. Et comment vous savez que ça va vraiment durer que 1, 2, 3, 4, 5 minutes ? Parce que dans la voiture, vous ne connaissez pas la taille de la file dans le magasin ? Non, effectivement, mais si je rentre et que... Bah, je l'ai déjà fait pour un syndicat aussi. Mais si je vois qu'il y a une énorme file... ou que ça va me prendre plus que 5 minutes, ben effectivement, là, je vais le chercher. Est-ce qu'avant de sortir du véhicule, vous dites quelque chose à votre bébé ? Vous lui dites un mot qui dit l'absence ou qui dit la durée ? Vous dites quoi ? Oui, j'arrive, bébé, je lui dis. Il a l'air de comprendre ? Il dit rien quand même, oui. Il continue à jouer ou à faire ce qu'il est occupé à faire, oui. Ah, vous avez entendu ce début d'interrogation tout à l'heure, hein ? Un bébé commence à comprendre l'absence. Est-ce que vous avez l'impression qu'à ce moment-là, il comprend l'absence, le vôtre ? En tout cas, s'il la comprend, il apprend pas mal. Parce que je ne suis jamais revenu à la voiture, qu'il était en pleurs ou quoi que ce soit, oui. Donc, puisque vous l'avez déjà fait aussi pour le syndicat, il n'y a rien d'anormal là, dans la pratique de cette maman qui va déposer un document et puis qui revient, bébé dans Maxicosi, il n'y a rien d'anormal ? Anormal, oui et non, les 20 minutes me dérangent. C'est quoi la différence entre 20 et 5 minutes, c'est quoi la différence ? C'est quand même vachement plus long, oui. Les 5 minutes, ça passe assez vite. 20 minutes, là, ça commence vraiment à durer dans le temps. Effectivement, hier, avec la météo aussi, c'était pas, je pense, pas la meilleure idée. Et si, c'est inconditionnel. Et si maman s'était laissée piéger, donc elle arrive dans le syndicat, ce document est important, on comprend bien que quand on va au syndicat, c'est pour des documents en général qui traitent aussi de l'argent. Donc ce document est important. Et si elle s'était laissée piéger par la file ? Ah bah on retourne à la voiture et on va chercher l'enfant. Mais qu'est-ce que je fais de mon document alors si je retourne à la voiture et que j'abandonne ? On refait la file, tant pis, oui. Mais ici, elle a laissé une fenêtre, parce que vous me parliez du temps d'hier, il faisait beau hier. Elle a laissé 4 cm d'ouverture, ça c'est une maman qui est prévoyante ? Non, c'est un peu peu, parce que même pour mon chien, je laisse plus... on s'est pas passé le bras, ça je regarde à ça, mais les 4 fenêtres sont ouvertes, oui. Les 4 ? Par un temps, pareil. Et pour votre chien, vous laissez combien de centimètres d'ouverture ? Pareil, oui. 4 ? Oui, les 4 fenêtres sont ouvertes, et je regarde que au moins un bras d'adulte ne sache pas passer sa main dans la voiture. Ouais. Alors je retiens ça, Grégory, puisque vous avez la pratique et l'expérience... 4 cm d'ouverture, ça fonctionne, mais il faut les 4 fenêtres. En tout cas, voilà ce que vous faites pour les animaux. Vous êtes à Bassilly ce matin. 5 minutes, ça vous semble être un timing acceptable. Alors essayons de discuter, je demande au standard d'être attentif à ça aussi, sur le bon timing. Laisser un enfant 20 minutes ou laisser un enfant 5 minutes. Hucle nous appelle. Benny, bonjour. Oui, bonjour. Vous qui avez 4 enfants, vous les avez déjà laissés dans l'auto tout seul ? Objectivement, non. Même bébé ? À l'occasion d'une petite course ? Même bébé, mais je pense que c'est quelque part presque un faux débat. Je crois que quelque part, celui qui ne l'a pas fait une fois, c'est un peu facile de dire c'est bien, c'est pas bien. Je crois qu'effectivement, en toute logique, on laisse pas un enfant dans un véhicule pour diverses raisons, y compris pour des raisons de chaleur, et c'est pas une question de 4 cm, 5 cm, 7 cm. Mais bon, il y a une autre... Mais vous avez entendu que votre logique n'est pas celle des autres, hein. Grégory, il admet, il accepte que 5 minutes, un bébé tout seul dans l'auto, c'est quelque chose de l'ordre de l'acceptable. Vous voyez que chacun a une logique différente. Non, oui, tout à fait, mais je ne crois pas qu'il y ait une... il n'y a pas de mesure ni de contrôle à ce sujet. Mais donc 5 minutes, c'est la vie de père que je vous demande, hein ? 5 minutes, c'est envisageable, ça, ou pas ? Non, c'est pas plus envisageable que 5 minutes ou 10 minutes, je veux dire, c'est pas plus envisageable. Mais il y a des raisons, je crois qu'il faut tout, on n'était pas là, nous ne sommes pas les personnes, nous n'avons pas à juger. Maintenant, cette femme est partie effectivement au syndicat. Comme vous disiez, je crois qu'il y a effectivement des documents importants, c'est triste du reste dans la conjoncture actuelle, mais un document, on peut perdre ses indemnités. Maintenant, effectivement, si elle a constaté qu'il y avait un monde assez conséquent, idéalement, c'était qu'elle revienne immédiatement et qu'elle reprenne un rendez-vous, qu'elle se représente le lendemain sans son enfant. Je voudrais votre avis sur le décalage. Il y a donc cette maman qui s'en va, qui laisse le bébé, et puis il y a un attroupement, il y a un mouvement de foule là à Vervie autour de cette voiture. Il y a des riverains, il y a des passants, il y a des militaires, puis il y a la police. Ce contraste entre une femme seule et puis la mobilisation de la population. Pourquoi autant de gens se sont mobilisés autour de cette voiture ? D'abord, ce qui est déjà à la limite relativement triste, c'est que les gens l'ont constaté, la première réaction, c'était peut-être déjà de casser un carreau et d'extraire le bébé, quitte à avoir à s'expliquer plus ou moins par après. C'est ça qu'il fallait faire. À mon point de vue, oui. Ceci étant dit, je suis très content qu'on mette en exergue l'attitude des militaires, parce qu'il y a quelques mois de cela, une triste photo d'une espèce de paparazzi qui a été postée sur Facebook contre les militaires après leur service avec un sac. Là, on les voit comme on les a vus, hélas, à l'attentat de Zaventem. On les voit intervenir et je pense que c'est une excellente chose. Ah ben il y a un visage très humain, effectivement, des policiers, non, des militaires qui sont là en train de récupérer le bébé. Allez voir cette photo sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Si vous ne l'avez pas encore croisée, on l'a commenté notamment tout à l'heure avec Gilles et Déborah. Benny, il fallait casser un carreau. Il fallait casser un carreau. Ce que les passants n'ont pas fait, hein. Ils ont appelé la police et puis ce sont les militaires qui sont passés là par hasard. Mélanie Joris, on vient vers vous maintenant pour un élément d'éclairage. Est-ce que des faits similaires se sont déjà passés en Belgique ? Oui, tout à fait. C'était en 2012 à Bruxelles, dans la commune d'Evere. Un papa avait oublié son bébé dans sa voiture en plein mois de juillet. C'était le 25 juillet. L'enfant était décédé de déshydratation après être resté dans la voiture toute la journée au soleil. Le papa avait été poursuivi pour homicide involontaire par défaut de prévoyance et de précaution. Ce qui s'était passé, en fait, c'est ce jeune papa, lieutenant à l'armée, avait oublié de déposer sa fille âgée de 6 mois à la crèche avant de se rendre à son travail au quartier militaire Reine-Elisabeth, situé entre Evere et Zaventem. Il était ensuite arrivé vers 16h à la crèche située sur son lieu de travail pour reprendre sa fille. Et c'est là qu'on lui avait fait remarquer qu'il ne l'avait pas déposée le matin. Le tribunal correctionnel de Bruxelles avait finalement décidé d'acquitter le papa. Celui-ci était convaincu d'avoir déposé sa fille à la crèche. Le parquet avait donc estimé qu'il ne pouvait pas être déclaré responsable. Et voilà, vous vous souvenez peut-être de cette histoire. À vous de nous dire ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. 5 minutes pour l'un, 0 pour d'autres, 20 minutes pour certaines. 0 70 233 466, nous allons dans la ville. À Verviers, Philippe, bonjour. Bonjour. Vous pensez quoi de cette verviétoise qui laisse l'enfant seul 20 minutes dans l'auto, un bébé de 8 mois? Moi, je trouve ça honteux et scandaleux. Mais elle laisse une ouverture, donc on ne peut pas dire qu'il y a un problème de chaleur, elle laisse une ouverture. Oui, mais quand même, ce n'est pas des choses à faire. Moi, j'ai un enfant de 2 ans et demi, je ne ferais pas ça non plus. Le laisser dans la voiture, moi, je trouve que c'est vraiment honteux. Moi, je dis chapeau aux militaires, chapeau aux policiers. Vous étiez à Verviers hier ou pas? Vous étiez dans Verviers hier? Je suis dans Verviers, mais j'ai vu quel temps il faisait hier. Quel temps il faisait hier? Il faisait quand même assez chaud. Du genre que c'est difficile d'être dans une voiture quand on est un bébé? Oui, pour le bébé, c'est très difficile. Déjà, avec 2 ou 3, même 4 cm, c'est déjà assez dur pour le bébé. On peut imaginer que, je sais pas moi, une guêpe ou quoi, qui avale ou quoi, c'est fait, il a un problème, quoi. Quel âge il a, votre petit garçon? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Alors, vous connaissez les enfants en bas âge. Ce bébé, hier, dans la voiture, il pleure parce qu'il y a beaucoup de monde autour de l'auto et il a la trouille ou il pleure pour une autre raison? Moi, je dirais déjà de 1 pour la chaleur et de 2 le manque de sa maman, quoi. Il ressent ça? Oui. Parce que tout à l'heure, Grégory, il m'a dit avec son petit de 14 mois, quand je m'en vais, je dis j'arrive bébé, puis continue son activité. Il se tracasse pas trop, hein, bébé, dans le cas de Grégory? Mais là, le bébé, franchement, 20 minutes, que ce soit 10 minutes, même 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, je trouve ça quand même scandaleux de faire ce que cette femme a fait. Bon, la maman revient au bout des 20 minutes, il y a tout le monde, il y a les militaires, il y a le bébé dans les bras du militaire, la maman est entendue, bon, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de sanction. C'est un petit événement d'hier, c'est anecdotique ça ? moi j'ai jamais vu ça, donc moi je dirais que la maman devrait, enfin, la maman devrait avoir des ennuis, pas de justice pour le bébé, quoi. Et vous, demain, vous passez dans une rue de Verviers, il y a un bébé dans un maxi-cosy dans l'auto, vous faites quoi? J'essaye de soit d'ouvrir la porte, ou d'appeler la police, ou quoi, ou même d'intervenir. Vous cassez le carreau? J'essaye sans faire trop de dégâts pour ne pas blesser le bébé. Ah, ce qu'ont fait les militaires hier, c'est pas casser le carreau, hein. C'est bien qu'un cintre que quelqu'un leur a donné, essayer d'ouvrir la portière, et ils y sont parvenus. Philippe, c'est honteux et scandaleux, vos deux premiers mots de la conversation. On va dans un instant à Couillet, et on demandera à Claudia ce qu'elle fait quand il y a bébé et besoin de donner un document au syndicat. Viva Bruxelles est là de présente Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Coa, coa, coa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, coa, coa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Et au 070-233-466, donc Marion, il n'y a pas que Grégory Abbassili qui reconnaît parfois laisser bébé dans la voiture, il y en a d'autres. Effectivement, il y a plusieurs parents qui m'ont expliqué qu'ils l'ont déjà fait, mais par honte, ils préfèrent garder l'anonymat. Il y a par exemple Karen de 10 ans, elle laisse sa fille de 18 mois dans la voiture. Quand elle doit faire une toute petite course et que sa fille est endormie, bien elle trouve que ça ne vaut pas la peine de la réveiller pour acheter un pain ou pour s'arrêter à la pharmacie. Du moment que ce n'est pas plus de 10 minutes, c'est le maximum que Karen accepte de laisser sa fille seule dans la voiture. Maurice de Ninov a déjà laissé ses deux petits-enfants dans la voiture. Le plus grand a 6 ans et il peut surveiller celui de 1 an et demi, me dit Maurice. C'est juste le temps d'aller à la poste, alors laisser un enfant seul, non, mais avec un autre enfant plus grand pour le surveiller, oui, me dit Maurice. Et enfin, Jérôme de Sombref aussi laisse son enfant de 9 mois dans la voiture. Jérôme l'a déjà laissé 25 minutes, le temps de faire ses courses au supermarché. Son fils dormait à point fermé, il n'avait pas voulu le réveiller. Quand il est revenu, l'enfant dormait toujours comme si de rien ne s'était passé. Alors Jérôme soupçonne que c'est le fait que il y avait des gens autour de la voiture qui a réveillé l'enfant à Verviers. C'est vous qui le dites, à Couillet. Claudia, bonjour. Bonjour. Vous avez combien d'enfants, vous? Alors, j'ai deux grands garçons et je suis heureuse d'être une grand-mère d'un petit bonhomme aussi. Un petit bonhomme qui a quel âge? 6 ans. Qui a 6 ans et qui a donc été bébé il y a 6 ans. C'est encombrant à manipuler ou pas un maxi-cosy, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est encombrant à prendre ça au quotidien, dans les bureaux, dans les magasins? Est-ce encombrant de prendre un cabas avec vos commissions? Non, pas du tout, non. Sincèrement, je ne vois vraiment pas où est le problème. Mais alors, pourquoi quelqu'un aurait laissé un maxi-cosy, et donc le bébé, dans la voiture? Pourquoi? Mais parce qu'il existe, et il faudrait plutôt donner des prix Nobel de la conscience. Un point, c'est tout. On vole des voitures, le gosse part avec, on jette je ne sais où, et basta. Il fait chaud, on s'en va, le gosse est déshydraté, et il faudrait encore dire toutes mes sincères condoléances. Non, nous vivons une époque d'inconscience. Ah, on ne sait pas s'il est déshydraté, Claudia, parce que la maman a laissé d'abord un peu d'air passer, puis on ne sait pas si au bout de 20 minutes, il était déshydraté, on ne sait pas. Non, d'accord, on ne sait pas, mais on ne laisse pas, ne fût-ce qu'une minute, un enfant dans un maxi-cosy, tout seul, et dans une voiture. Mais si on lui a dit j'arrive... Non, rien, même la voiture un petit peu ouverte, tout ce que vous voulez. Il y en a un qui arrive rapidement, paf, il fonce dedans, allons-y. Mais vous vous rendez compte, quelle inconscience. Et si on lui explique qu'on fait un petit peu de pédagogie, maman va partir, maman va syndicat, maman va revenir? Ben dis donc, je savais pas, je savais que les enfants d'aujourd'hui sont très évolués, c'est un fait, mais nous n'avons quand même pas des prix Nobel à la naissance. Non, faut pas rêver. Non, attendez, non. Grégory, il fait ça, il dit à son enfant, j'arrive, et puis il laisse les quatre fenêtres ouvertes. Ben, Ben oui, pourquoi pas. Ben bonne chance pour lui. Mais c'est pas moi qui, si par malheur devrait arriver quelque chose à son enfant, irait lui dire, mon Dieu, monsieur, comme je vous plains. Non, du tout. Ces deux militaires, ça démêle tout oui. Ou c'est des héros? Ce sont des héros, ben bien sûr. Ils ont essayé d'être très délicats, d'ouvrir sans casser une vitre, encore de faire très attention pour ne pas que cet enfant soit davantage effrayé. Mais non, ça, ce sont des choses qui ne doivent absolument plus arriver. Les gens ne se rendent pas compte. C'est un enfant et non pas un objet. Et si tous ces gens lui avaient fait peur au bébé? Parce qu'il y a une foule autour d'une voiture, bébé, il ne connaît pas ces gens. Et puis il y a des militaires en armes qui sont là. Est-ce que ces gens ont fait peur à ce bébé? Les militaires en armes, moi, sincèrement, un bébé, il ne sait pas ce que c'est qu'un fusil. Maintenant, tous ces gens, maman n'est pas dans la voiture, je suis tout seul, oui, c'est normal, mais vous vous rendez compte quel stress ce gosse a eu? Et en plus, on ne donne rien comme punition, entre guillemets, pas de PV, rien à cette femme. Tant qu'à faire, on va la féliciter, on va lui remettre une médaille. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se contenter de rester à proximité de la voiture, en jouant un peu avec le bébé, en attirant son attention, mais à travers la vitre, car ce véhicule appartenait à la maman et la maman allait sans doute revenir tôt ou tard. Est-ce qu'on n'aurait pas pu se contenter d'être autour des vitres? Dites donc, vous croyez que les citoyens sont des nounous qui sont là comme ça, plip-plop, pour contenter, faire passer le temps aux enfants qui sont dans le véhicule? Non, je suis désolée. Mais je note cette citation, Claudia Couillet, les citoyens ne sont pas des nounous, pas des nounous. Donc le rôle des citoyens était d'agir. Ils ont appelé la police et puis les militaires sont arrivés avant les policiers. Hasard total, évidemment. Claudia, vous ne le faites pas. Odeur Game, Laura, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et un peu plus grand, parce que votre fille a 6 ans. Vous la laissez seule dans l'auto parfois? Oui. Et je la laissais quand elle était bébé aussi. Enfin, maintenant, je la laisse parce qu'elle me demande. Des fois, je vais faire une petite course. Mais quand elle était bébé, c'est quoi? Bébé de 6 mois, bébé de 8 mois, bébé de 3 ans, c'est quoi bébé? Bébé, 6 mois, 8 mois, oui. Et vous la laissiez comment? Sur le siège, dans un maxi-cosy attaché? Vous le laissiez où, ce bébé? Dans le cosy, dans la voiture. C'était que quand j'allais faire le plein de la voiture et que j'allais payer la caisse. Et je laissais la voiture déverrouillée. Donc ça prend combien de temps? Une minute, parce que je surveillais la caisse de la voiture et si je voyais qu'il n'y avait pas grand monde. Bon, vous voulez pas, je vous entends mal. Vous m'avez dit une minute ou 8 minutes? Une minute. Une, 2 minutes, oui. À ce moment-là, pour bien comprendre, Laura, quand on part, mais qu'on laisse le bébé dans la voiture, vous lui parliez, vous disiez « je m'en vais, je reviens » ou il ne faut rien dire à bébé? Bon, ben, le bébé, il voit bien que, enfin, si elle dort, je ne lui dis rien, évidemment. Mais elle voit bien qu'on n'est pas là, donc c'est pas la peine de... Je lui dis « je reviens ». Mais je laissais la voiture déverrouillée. Et quand vous reveniez, bébé était content de vous revoir, bébé était en pleurs, parce qu'apparemment hier le bébé sentait l'absence, d'après ce qu'on m'a dit, et donc il était en pleurs depuis le début, chez vous? Ah non, absolument pas. Donc c'est une pratique normale? Non, c'est pas normal, mais effectivement, c'est encombrant pour aller... quand vous devez aller passer une minute à une caisse de quelques... quand vous devez faire un truc de une minute, prendre un bébé, vous êtes déjà fatigué de la journée de travail... Voilà. Ah, parce que moi, Claudia me dit qu'un maxi-cosy, c'est pas encombrant. Donc, mettons-nous d'accord. C'est encombrant ou c'est pas encombrant, un maxi-cosy? C'est encombrant. Ici, maman va déposer un document au syndicat. Pour une minute, c'est encombrant. C'est encombrant. Pour 20 minutes, non. Pour 20 minutes, non. Pour 20 minutes, c'est pas encombrant. Et si on va au syndicat, mais qu'on sait pas la durée de la file et qu'on se laisse piéger, qu'est-ce qu'on fait? Je ne connais pas le syndicat de Verviers. Je connais le syndicat... Vous savez que dans des syndicats, souvent, il y a des files. On passe rarement premier, hein, quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Non, mais surtout, en plus, l'espace, les gens sont... En plus, il fait chaud. On attend les gamins. C'est compliqué de gérer les enfants. Donc, ce n'est pas la place d'un maxi-cosy dans un syndicat? Non, mais c'est pas non plus laisser l'enfant pendant... Enfin, c'est long. Quand on sait pas combien de temps ça va mettre, on ne laisse pas un enfant... Oui, mais alors nous voilà dans un nœud, parce que c'est pas la place de bébé 20 minutes dans le maxi-cosy dans l'auto, mais c'est pas la place de bébé dans le maxi-cosy dans le syndicat. Donc où doit aller ce bébé à ce moment-là, Laura, vous nous soumettez un point d'interrogation là. Il est 10h31, c'est l'heure de la proportion maintenant. Marion, dans les Appelantes ce matin, combien estime qu'on peut laisser un bébé seul à la campagne, mais pas à la ville? 20% estiment que c'est ok de laisser son enfant seul dans la voiture, mais pas à la campagne. Alors il y a moins de risques que l'enfant se fasse enlever quand il est enfermé dans une voiture à la campagne avec la fenêtre ouverte que dans une ville. La fenêtre ouverte attire moins l'attention, le bébé aussi attire moins l'attention à la campagne qu'à la ville. Julie de Vaux-sur-Sûre laisse son bébé facilement dans son village, mais pas quand elle se rend à Arlon, par exemple. RTBF Mobile Info, Stéphane. Je vous emmène sur l'E40, Bruxelles, Aix-la-Chapelle, où le chantier de Cherade vous ralentit entre Vautem et Cherade sur 7 km. Ajoutez 20 minutes à votre temps de parcours en direction de l'Allemagne. Pour rejoindre Bruxelles, quelques ralentissements en venant de Liège à partir d'Everberg sur l'E40. Sur l'E411, c'est à partir de Jésuseik en venant de Namur que vous ralentissez pour atteindre le carrefour Léonard. Et puis toujours cet accident sur le ring de la capitale en circulation intérieure à hauteur de Grimbergen. Il obstrue la bande de gauche, il y a des fils et vous perdez 25 minutes en direction de Zaventem depuis Grand Bigard. Ailleurs sur le ring, 10 minutes supplémentaires en circulation extérieure entre Grimbergen et Jette vers Grand Bigard. Dans Bruxelles, c'est le tunnel Léopold II qui vous ralentit en direction du Midi. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange, le terrible doute Caterpillar. Quand les États-Unis envoient pour analyser la rentabilité un émissaire sur le site de Gosselies en 2015, eh bien pas de chance, cet émissaire arrive en plein dans un conflit social, dans une grève. Et on dit que ça aurait pu avoir un impact. Si vous n'aviez pas fait grève, peut-être que ce serait toujours ouvert. J'attends un nom dans ce dossier après la pause. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Ancel, citoyens, ce samedi, place Saint-Lambert pour un circuit de 25 km à la découverte de la cité ardente. À l'arrivée, point d'orgue de l'action Debout, citoyens. Le concert de l'Opéra Royal de Liège, accompagné par l'orchestre et ses chœurs, avec Suarez et Alison The Roof. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. À la maison, profitez plus ensemble. Chou, on irait bien en vacances entre mecs en Thaïlande. C'est bon ça les gars, oui. Vraiment, on part 3 semaines, 3000 euros. Mais qu'est-ce que tu attends, mais vas-y. Parfait, je réserve mon billet. Yes, tu disais quoi? Pendant qu'elle regarde le basket à la TV, il réserve des vacances avec ses potes grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi profitez plus et payez moins à partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Vivacité et la Une présente Italia Chevetogne, le plus grand rassemblement de la communauté italienne de Belgique avec un seul maître mot, authenticité. Cet événement se déroulera les 10 et 11 septembre 2016 au domaine provincial de Chevetogne. Plus d'infos sur l'événement Facebook Italia Chevetogne 2016. Vous allez jeter un fameux coup d'œil dans le rétroviseur ces 17 et 18 septembre à Francorchamps. Les Spa 6 Hours vous proposent de remonter le temps pour vivre les plus belles courses de voitures anciennes, dont les F1 des années 60 et 70 et les fameuses 6 heures historiques. Programme complet sur spa6hours.com. Oh chérie, c'est ouvert! Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain. Gautier. Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rhodes-Saint-Genèse, à côté de Dovi. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Le terrible doute Caterpillar, donc voilà la ligne du temps. En 2013, Caterpillar licenciait 1331 personnes et on dit que ça a apporté ses fruits puisque la rentabilité semblait bonne, à tel point qu'en septembre 2015, la direction américaine envoie un émissaire à Gosselies pour mesurer la productivité du site. Et là, fâcheuse coïncidence, eh bien cet émissaire arrive dans l'usine en plein conflit social. Les ouvriers sont en grève pour protester contre le licenciement d'un ouvrier et on dit ce matin dans la presse que ça a pu avoir une influence, c'est ça qui aurait scellé le sort de Caterpillar Gosselies. Ce dossier, évidemment sensible, mérite une question qui dérange. Mélanie Joris, vous cherchez le bon interlocuteur. Avez-vous un nom? Oui, un nom, c'est Ivan Del Percio qui interviendra dans cette question qui dérange à 10h45. C'est le président de la délégation syndicale FGTB au sein de Caterpillar. Mais revenons un instant donc aux faits de l'époque. Un bras de fer s'était engagé entre syndicat et direction suite au licenciement d'un ouvrier qui avait eu des problèmes avec son supérieur hiérarchique. Le licenciement avait été suivi immédiatement du dépôt d'un préavis de grève dès le lendemain, le jeudi. Et le vendredi, les ouvriers avaient décidé déjà de débrayer et la grève avait été poursuivie le lundi. Alors à l'époque, le porte-parole de Caterpillar Belgique était excédé par les 28 jours de grève qui s'étaient enchaînés sur les 18 derniers mois. Dans ces 28 jours de grève, on comptait 16 jours d'arrêt de travail sauvage et 12 jours de grève. Ivan Del Percio préfère parler, lui, des actions qui ont été menées par les ouvriers pour garder leur emploi et pour empêcher que l'usine ne ferme ses portes. Ah bah, on peut affiner la question. Alors, s'il n'y avait pas eu autant de grèves, est-ce que ce serait encore ouvert aujourd'hui ? Laissez un éclairage à Marion au standard. Alors le problème pour Lydie de Courcelles, c'est que les syndicats sont des égoïstes. Lydie est dégoûtée, son mari est ouvrier à Caterpillar et Lydie se rappelle très bien de cette grève. Son mari faisait partie des travailleurs qui avaient décidé de continuer à travailler et toutes ces grèves n'ont rien amené de bon selon Lydie. Elle a hâte d'entendre ce que les syndicats vont répondre à cela parce que Lydie espère que pour une fois les syndicats vont assumer et reconnaître qu'ils ont eu tort ce jour-là, mais Lydie en doute. Donc c'est Caterpillar, le terrible doute, s'il n'avait pas fait grève, l'usine ne serait pas fermée. Rendez-vous donc à 10h45 pour cette question qui dérange. Bon, c'est effectivement. Vous qui le dites. Suite de notre conversation, et ça s'appelle bien C'est vous qui le dites, vous avez choisi tout à l'heure une conversation sur ces militaires qui hier ont sauvé un bébé de 8 mois qui était seul dans une voiture à Verviers depuis 20 minutes. Maman déposait un document au syndicat. Est-ce que c'est normal comme pratique ? 070-233-466 et par SMS au 3063. Nous sommes maintenant à Virton. Gaël est en ligne, bonjour. Bonjour. Vous avez deux enfants, quel âge ? 9 ans et 4 ans. Il y a une équation impossible à résoudre. Le maxi-cosy, me dit-on, est encombrant. Je dois aller au syndicat où il fait très chaud et j'ai pas envie de m'encombrer. Mais j'ai un bébé. Qu'est-ce que je fais ? Je le laisse dans la voiture, non ? Non, je le prends avec moi. Oui, mais il fait chaud dans le syndicat, m'a-t-on dit. Oui, bah, il fait chaud dans la... il fait chaud dans les syndicats, il fait encore plus chaud dans la voiture. C'est n'importe quoi. C'est extrêmement dangereux de laisser un enfant dans une auto. On peut pas. Qui dit qu'on peut pas ? Ouais, on peut pas, c'est une conscience. Enfin, déjà, nous ici dans la région, il n'y a pas longtemps, il y avait encore, parce que moi j'habite dans les petits villages, il y avait des camionnettes avec des plaques étrangères, déjà qui cherchaient à vouloir kidnapper des enfants. Vous laissez des enfants, que ce soit des bébés, 5 ou 6 ans ou 7 ans, seuls dans une auto, ces gens-là ils passent, que ce soit dans un village ou dans une ville, plus dans un village, ils auront encore plus facile, votre enfant il disparaît. Mais à votre avis, crocheter une porte avec un cintre, c'est facile ou pas ? Parce qu'on nous dit que les militaires ont reçu un cintre, ils ont crocheté, mais on n'a pas dit que c'était facile. C'est facile ou c'est pas facile ? Ouais. Moi, je pense pas qu'ils vont crocheter une porte. Hein. Ils vont soit demander à l'enfant d'ouvrir, surtout celui qui a 7 ans, ou alors ils vont casser un carreau et puis il est mais sorti. Ici, bébé a 8 mois. Hein. Le bébé a 8 mois. Donc si un méchant vient à la fenêtre et dit « Bébé, ouvre-moi », bébé ouvre. Il est calé dans le maxi-cosy. Je parlais d'un enfant de 6 ou 7 ans. Mais là, ils vont péter le carreau, ils vont prendre l'enfant. Mais même, de toute façon, c'est extrêmement dangereux de laisser un enfant dans une voiture, c'est inconscient. Gaël, c'est encombrant un maxi-cosy, oui ou non ? Non, c'est pas encombrant. Moi, j'ai déjà été faire des papiers partout, même au syndicat, j'ai déjà été à la poste, au magasin. Même s'il dort dans le maxi-cosy, j'enlevais le maxi-cosy de la voiture, je le mettais sous le caddie du magasin, puis j'allais au magasin. Un mot sur la population autour. Un mot sur la population autour, parce qu'il y a beaucoup de riverains, enfin, il y a beaucoup de commerçants du coin, beaucoup de passants, et tout le monde regarde ce bébé. Alors oui, la police a été appelée, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait directement casser un carreau et sortir le bébé, ou il fallait jouer avec ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Déjà, il faut regarder la température qu'il fait. Il faut rester à côté, il faut prévenir directement, moi je dis, la police ou alors les secours. Il y a 4 cm, il y a 4 cm d'ouverture. On essaie d'ouvrir la voiture. On ne peut pas laisser un enfant comme ça, c'est extrêmement dangereux. Mais déjà, il faut rester à côté pour surveiller s'il n'y a personne qui va vouloir faire quelque chose de mal intentionné. Et puis, moi, si je n'arrive pas à ouvrir la voiture, si je ne trouve personne dans la minute, je casse un carreau et je retire l'enfant. C'est militaire. Et je déposerai plainte contre les parents qui laissent les voitures. Il devrait même y avoir une loi pour interdire de laisser des enfants de moins de 12 ans seuls dans une voiture. C'est militaire, c'est des héros ? Pour moi, oui. Il faut punir la maman ? Pour moi, je dis pas qu'elle devrait avoir une amende, mais elle devrait au moins aller au moins au tribunal, devoir s'expliquer pourquoi laisser seuls ses enfants dans une voiture. Prison ? Non, mais il doit y avoir une sanction. Ah ben, si tribunal, il se passe quelque chose après. Peut-être pas prison, alors sanction financière. Ça, vous êtes libre de le dire au 070-233-466 et vous êtes ce matin à Virton. Mélanie, on va revenir vers vous pour un éclairage supplémentaire dans ce dossier donc, qui concerne bien ce bébé laissé seul à Verviers. Vous avez pu avoir un contact avec une commerçante qui se trouvait à proximité du véhicule. Oui, tout à fait. J'ai pu parler avec une commerçante de la rue des Martyrs à Verviers, la rue donc où était garée cette voiture avec ce bébé enfermé dedans. Alors, c'est une des clientes de ce commerce qui a donné l'alerte. Tous les commerçants sont sortis dans la rue et se sont agglutinés autour de cette voiture. La coiffeuse, la couturière, la gérante du magasin de jeux Folle en jeu. Et le bébé était bel et bien recouvert d'une couverture plutôt chaude. D'après la commerçante avec qui j'ai pu parler, eh bien, la vitre était ouverte d'une dizaine de centimètres. Elle a eu l'idée d'ouvrir la voiture avec un cintre, mais c'est une de ses collègues qui lui a dit « Laisse faire la police, appelons d'abord la police ». Tous les commerçants sont restés plus ou moins 35 minutes autour de la voiture. Ils essayaient de rassurer l'enfant, de lui faire des gestes apaisants. Et c'est au bout de 35 minutes que les militaires sont passés. Ils patrouillaient dans la rue. Les commerçants leur ont alors demandé de l'aide. Et c'est un des militaires qui a pris le cintre et qui s'est débrouillé pour ouvrir la portière. La commerçante m'a raconté que ce geste avait été empreint de beaucoup de douceur. On a l'habitude de voir les militaires dans leur uniforme qui impose, mais là, ce n'était que des gestes de douceur. C'est le militaire qui était au petit soin. Il a fait boire l'enfant et ensuite, la maman est revenue apparemment plutôt gênée, le visage tout rouge. Ah, donc ce sont des informations nouvelles que vous nous amenez hein, depuis le terrain. Couverture chaude sur l'enfant, une ouverture qui aurait donc une taille entre 4 et 10 cm. On comprend bien là qu'il y a plusieurs versions. Et puis on parle désormais de 35 minutes, pas de 20 minutes, 35 minutes. On va se connecter au 070-233-466. Effectivement, cette ouverture de fenêtre fait beaucoup parler, Marion. D'accord, et bien oui, en fait c'est bien ça, plusieurs personnes commentent l'ouverture de la fenêtre, mais ces personnes ne sont pas d'accord entre elles. Claude de Champfontaine, bien selon lui, on peut laisser un enfant dans la voiture, mais uniquement si la fenêtre est ouverte, donc pour Claude de Champfontaine, cette maman a bien fait. La fenêtre ouverte, ça permet en effet de renouveler l'air de la voiture, et surtout d'ouvrir la voiture s'il y a un problème, comme les militaires l'ont fait. Par contre, Pierre Dottini n'est pas du tout d'accord avec Claude, il dit que la maman a laissé la fenêtre ouverte, et bien si elle l'a fait, c'est justement parce qu'elle savait que ce qu'elle faisait, laisser son enfant seul, c'était dangereux, il y avait des risques pour l'enfant qu'il soit mort déshydraté, étouffé ou tout simplement de chaud. Alors non, Pierre n'est pas d'accord, ouvrir une fenêtre, ce n'est pas suffisant pour laisser un enfant seul. C'est vous qui le dites à Arlon. Céline, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous avez trois enfants, 11 ans, 9 ans, 2 ans. Est-ce qu'on peut laisser un enfant dans une voiture avec 10 cm d'ouverture? 10 cm. Mais avec les chaleurs qu'il fait ces jours-ci, je trouve ça vraiment inconscient. Hier, il faisait chaud à Arlon ? Oui, il faisait chaud. Aujourd'hui aussi, oui. Est-ce que hier et aujourd'hui, parce que pour tout vous dire, je suis arrivé à 5h du matin, je n'ai pas encore vu une fenêtre depuis que je suis arrivé. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait laisser un enfant dans une voiture ou c'est trop chaud ? Non, non. Moi, je trouve que dans une voiture, d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites là-dessus, hein, ça monte tout de suite en température, c'est insupportable. C'est insupportable d'y rester. Donc moi je ne comprends pas comment on peut laisser, par ces chaleurs-ci, un bébé comme ça dans une voiture. Vous l'avez jamais fait ? Si, si, je l'ai fait, c'est ce que je disais à votre collaboratrice avant. Je l'ai déjà fait parce que maman de trois enfants, c'est pas toujours facile. Et ceux qui disent qu'un maxi-cosy n'est pas encombrant, je suis pas du tout d'accord avec eux, c'est encombrant. C'est encombrant ? Oui, c'est encombrant, c'est lourd. Si c'est pour faire vraiment un petit achat de 3 minutes à la pharmacie, sortir 3 enfants, un maxi-cosy et tout ça, c'est vraiment le branle-bas de combat, quoi. Ce maxi-cosy, il est là, le bébé est là. Je dois aller au syndicat. Donc vous voyez bien le genre de situation, c'est pas à vous avec 3 enfants que je vais apprendre la configuration des lieux. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais sans le maxi-cosy et sans l'enfant ou je prends tout avec dans le syndicat ? Là je prends tout avec, hein, c'est sûr. non, c'est sûr. J'ai déjà laissé le petit dans la voiture, mais par exemple, plutôt en hiver ou en automne, quand les conditions justement, ou quand c'est le déluge dehors et qu'il pleut, là je trouve ça plus compréhensible. Donc à partir de dans un mois, on peut de refroidir les enfants, etc. quoi. Quelle date sommes-nous ? À partir de dans un mois, on peut y aller. On est le 8 septembre, 1er octobre, on peut les laisser dans la voiture. Ça dépend s'il y a canicule au mois d'octobre. La maman, elle mérite sanction ? Non. Prison ? Non. La sanction qu'elle aurait, c'est que son bébé qu'il arrive quelque chose à son bébé. Ce serait déjà... Il n'y a pas pire comme sanction, donc... Heureusement, on n'y est pas. Heureusement, on n'y est pas. Il y a d'ailleurs cette image qui est partout dans la presse ce matin, y compris dans notre dos, de ce bébé qui est bel et bien en vie et qui boit de l'eau pépère dans les bras de ce militaire qui l'a sauvé. Céline, merci pour votre franchise sur le Maxi Cosy et sur vos pratiques. Dans un instant, la question qui dérange, Caterpillar, s'il n'avait pas fait grève au moment où l'émissaire est venu analyser la rentabilité, peut-être que ce serait encore ouvert. Voyons ça dans un instant. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné Télé Revue et 365.be. Vous avez été pris dans le grand rush de la rentrée ? Qu'importe ! Retrouvez vos contenus radio et télé sur votre plateforme digitale Ovio. Où, quand et comme vous le voulez. Sur tablette, smartphone ou ordi. rtbf.be/Ovio. A-U-V-I-O. Libérez vos envies. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Que préférez-vous dans les foires au vin ? Les bons crus ou les bonnes affaires ? Chez Intermarché, on vous propose les deux. Comme ce Côte-du-Rhône Village Vieille Vigne 2015 médaillé en 3 plus 3 gratis, soit seulement 3,29€ la bouteille. À découvrir absolument. Parole d'expert. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Vous êtes indépendant et comme tous les indépendants, vous êtes le premier debout et le dernier à fermer la boutique. Vous courez contre la montre et après les clients, vous êtes au four et au moulin. Vous ne demandez pas qu'on vous plaigne, non. Tout ce que vous demandez, c'est que vos partenaires soient aussi pros que vous. C'est pour ça que vous a créé les packs pro. Une gamme qui vous garantit une foule d'avantages pour faciliter la vie des indépendants. En ce moment, à l'achat d'un pack pro, recevez un super laptop Acer d'une valeur de 479€. L'outil idéal pour profiter de l'internet ultra rapide de vous. Plus d'infos sur whobusiness.be ou au 0800 43 303. Offre soumise à condition. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. En 2015, en septembre, quand un émissaire envoyé par la direction américaine de Caterpillar est venu analyser la rentabilité, pas de bol, il tombe en pleine grève. Les travailleurs ont arrêté le travail parce qu'un de leurs camarades a été licencié pour insulte à directeur. Et ce matin, on lit partout dans la presse que ça a peut-être joué, ça a peut-être eu un effet. S'ils n'avaient pas fait grève ce jour-là, l'émissaire aurait peut-être envoyé un signal plus positif à la direction américaine. Mélanie Joris, dans ce dossier, vous avez cherché le bon interlocuteur. À qui doit-on parler et pourquoi n'est-il pas en ligne ? Donc, alors, nous devons parler avec Ivan Del Percio, c'est le président de la délégation syndicale FGTB au sein de l'entreprise Caterpillar. Le rendez-vous a été pris ce matin, il n'y avait aucun souci pour cette intervention à l'antenne. Seul problème, nous tombons actuellement sur sa boîte vocale. Ah, c'est embêtant, vous savez que c'est la règle, on cherche en temps réel, si ça ne marche pas, nous voilà dans l'embarras. 4 minutes de conversation devant nous. Voyons d'abord un éclairage supplémentaire au standard, Marion. Et le problème pour Michel de Chassepierre, c'est que les mouvements sociaux en Belgique font peur aux investisseurs étrangers. Michel se met à la place des patrons américains et même si c'est triste à dire, eh bien, il comprend son choix. Personne n'a envie d'investir dans une entreprise où les ouvriers partent en grève pour un oui ou pour un non. Alors Michel espère que cette triste histoire va donner une bonne leçon à tous les travailleurs de Belgique et que ça va faire réfléchir à deux fois les ouvriers avant de se lancer dans une grève à répétition. Bon, merci à ceux celles qui nous ont amené un éclairage, puisqu'on va discuter ensemble, à défaut d'Yvan Del Percio de la FGTB. Charleroi, Alain est en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous aider à trancher cette question qui dérange. C'est quand même pas de bol, l'émissaire vient pour parler rentabilité et découvre des gars en grève. Ça a eu un impact ou pas ? Pour moi, ça a eu un impact, mais bon, il n'y a pas que ça. C'est pas la première fois qu'ils font une grève. Et bon, quand ils font une grève, ils peuvent aussi se renseigner pourquoi ils font la grève. Mais bon, maintenant, vu le contexte actuel, je crois que les grosses sociétés comme ça, maintenant, eux, ils cherchent l'argent. Alain, la communication est très mauvaise. Je vous demande soit de quitter le kit-main libre si vous en avez un, et on retente. Non, je prends kit-main libre. Ah ben, j'ai du mal à vous entendre. Alors dites-moi simplement si ça a eu un impact. Est-ce que c'est lié à ce jour-là, à ce moment-là ? Parce que je n'ai pas entendu votre réponse. Oui, à mon avis, c'est lié à ça. Parce qu'ils savent qu'en Belgique, on fait plus de grève que dans d'autres pays. Pour moi, c'est lié à ça, mais c'est une excuse comme une autre. C'est pas, c'est une excuse comme une autre, parce qu'ils doivent, faire des bénéfices. Et pour l'instant, ils ne font pas assez de bénéfices. Parce qu'ils en font toujours, mais ils n'en font pas assez. Oh, mais donc cette réponse-là est très nuancée. Hein. Ce n'est pas la faute de la grève. Alors, c'est une excuse qui est prise par la direction. Ça, c'est ce que vous nous amenez dans l'éclairage, Alain. Je suis désolé, je vous entends très très mal. Mélanie Joris, vous avez parlé à ce monsieur de la FGTB Caterpillar, Yvan Delpercio. Vous lui avez demandé si ça avait un lien, la fameuse grève de 2015 et la présence de l'émissaire ? Oui, oui, je lui ai posé cette question et pour lui, ça n'a aucun rapport. Pour lui, il n'y a aucun lien entre la fermeture du site de Gosselies et cette action de septembre 2015. Lui, il préfère qu'on parle des actions, certes des manifestations ou des grèves, mais qui étaient menées pour préserver l'emploi, pour éviter que l'usine ne se vide et ferme ses portes. Selon lui, donc, on ne peut rien reprocher aux travailleurs de Gosselies. Ah, vous avez entendu les chiffres, parce que ça fait partie de cette conversation. Hein. 28 jours de grève sur les 18 derniers mois. 28 jours de grève sur les 18 derniers mois. Et combien de jours, Mélanie, de grève sauvage dans ces 28 ? Eh bien, dans ce total de 28 jours, il y avait 16 jours d'arrêt de travail sauvage et 12 jours de grève. Mais une fois de plus, hein, pour Yvan Percio, invoquer ces jours de grève, ça n'a aucun lien. D'après lui, à Grenoble, là où le travail sera récupéré, eh bien, il y a des grèves tous les jeudis pour manifester contre François Hollande. De plus, cette décision de fermer Gosselies, selon lui, répond seulement à une logique stratégique. Éclairage à Saint-Amand. Valentin, bonjour. Bonjour. Merci de nous aider à trancher dans cette question qui dérange. Est-ce qu'il y a un lien, à votre avis, entre fermeture Gosselies et les 28 jours de grève ? Non, ça n'a rien à voir. J'ai travaillé pendant un an et demi à Caterpillar. Mon papa y est depuis plus de 30 ans. Et ils ont déjà commencé par vider l'usine. Le bâtiment B était déjà presque vide. Après, on vient dire que ça coûte beaucoup trop cher pour tout ce qui suit. Valentin, je voudrais votre avis. Quand l'émissaire américain qui vient pour voir si la rentabilité est rétablie depuis qu'on a licencié 1330 personnes, quand il vient pour voir ça, il voit de la grève. Qu'est-ce qu'il a dû se dire, ce gars ? Bah, de toute façon, je ne sais pas ce qu'il a dû se dire, mais de toute façon, c'est tout à fait normal qu'on fasse une grève contre un licenciement d'un ouvrier. C'est logique que le syndicat défend l'ouvrier. Maintenant, il arrive au mauvais moment, mais il aurait dû venir bien avant, chose qu'il n'a pas fait. Oui, mais lui, il vient quand il vient. Il arrive là dans un moment qui est une grève surprise. Et en plus, dit-on, à ce moment-là, on était plus rentable, plus productif à Gosselies qu'à Grenoble. Ça fait mal, non ? Ouais, ça fait mal. Mais bon, c'est pas pour 3 jours de grève qui font que. Il y a des grèves partout, c'est pas pour ça qu'on ferme les autres sociétés. Donc la question c'était, est-ce qu'il y a un lien ? Vous avez la certitude que non. Il y a petit consensus là-dessus. Merci à tous de nous avoir aidés à aller au bout de cette question qui dérange. Enseignement après la pub. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous êtes chaud ce soir ? Ce samedi, retrouvez tous vos artistes préférés en live. Dès 17h, Vivacité est en concert. Vivacité présente le meilleur de l'Extraordinary Film Festival, les 16 et 17 septembre à Uccle. Renseignements teff.be avec Cap 48 et Vivre Ici. Du 3 au 24 septembre, c'est l'anniversaire chic des magasins Schmitt. Monsieur, vous n'auriez manqué ça pour rien au monde. Un anniversaire où c'est vous qui recevez des cadeaux ? Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Votre cuisine Schmitt à partir de 6 400 €, électroménager inclus. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Du 3 au 24 septembre, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt à Gembloux, Nivelles, Waterloo, Wavre, Sint-Pietersleu, Uccle et maintenant à Bruxelles-Louise. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce pilot assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas? Ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Et pas pour les canapés? Non. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Renseignez-vous sur abiome.be. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief de la question qui dérange. Ce lien entre la grève et les grèves Caterpillar et la fermeture du site. Si seulement ils n'avaient pas fait grève. Sur la page Facebook, Zoé Boss. Sur la page Facebook, vous êtes 40 742 à faire le débat ce matin, dont Hugues. Pour Hugues, c'est une évidence. Ce lien entre la fermeture de l'usine et les grèves qu'ont imposé les différents syndicats. Il se demandait justement pourquoi on n'entendait pas moufter les syndicats, le personnel et les politiciens confondus. Ils le savent très bien que les torts sont de leur côté. C'est ce que nous dit Hugues sur la page Facebook de C'est vous qui le dites, Benjamin. À 9h, vous avez choisi une conversation sur ces deux militaires qui ont sauvé un bébé de 8 mois seul dans la voiture à Verviers. Est-ce que c'est une pratique normale de laisser un enfant seul dans une voiture? Eh bien oui, ça arrive, avez-vous dit, avec franchise. Par contre, c'est le délai de 20 minutes en solo qui a semblé vous poser problème. Vous aurez noté quelques précisions supplémentaires en cours de route. D'abord, l'enfant aurait été équipé d'une couverture chaude. Hier, il faisait chaud, faut-il le dire. Ouverture de fenêtre entre 4 et 10 cm d'après une commerçante toute proche. Et le bébé qui serait resté non pas 20, mais bien 35 minutes dans le véhicule. Et puis une conversation sur le maxi-cosy. Oui, c'est encombrant, avez-vous dit, mais du bout des lèvres. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Marion. C'était Marie de Visé. Marie trouve que cette maman est inconsciente. Pas plus tard qu'hier, elle avait ses deux petits-enfants à garder, de 18 mois et de 3 ans, et elle les a pris tous les deux pour aller 3 minutes à la boulangerie. Ça lui a pris plus de temps de les détacher, de les sortir, que d'acheter son pain, mais Marie l'a fait. Au moins, elle les avait sous sa surveillance, elle les avait à l'œil. À 9h, il y avait 3 débats sur la table, et vous avez choisi d'aller plus loin sur le bébé verviétois qui gardait l'auto. Parmi les moments de ce matin. Ce matin, il y a eu Grégory et Basili. C'était à 10h14. Grégory a un bébé de 14 mois et il le reconnaît. Il laisse son bébé seul de temps en temps dans la voiture, mais jamais plus de 5 minutes. Normal, oui et non. Les 20 minutes me dérangent. Pour une petite course, oui, pendant grand maximum 5 minutes. Mais si je vois qu'il y a une énorme file ou que ça va me prendre plus que 5 minutes, ben effectivement, là, je vais le chercher. Ce qui est déjà à la limite relativement triste, c'est que les gens l'ont constaté, la première réaction, c'était peut-être déjà de casser un carreau et d'extraire le bébé, quitte à avoir à s'expliquer plus ou moins par après. Ceci étant dit, je suis très content qu'on mette en exergue l'attitude des militaires. On les voit intervenir et je pense que c'est une excellente chose. Moi, je trouve ça honteux et scandaleux. Moi, je dis chapeau aux militaires, chapeau aux policiers. La maman devrait avoir des ennuis, pas de justesse pour le bébé, quoi. Il faudrait plutôt donner des prix Nobel de la conscience. Un point, c'est tout. On vole des voitures, le gosse part avec, on jette je ne sais où et basta. Il fait chaud, on s'en va, le gosse est déshydraté et il faudrait encore dire toutes mes sincères condoléances. Non, ça, ce sont des choses qui ne doivent absolument plus arriver. Les gens ne se rendent pas compte. C'est un enfant et non pas un objet. Oui, dans le Covid, dans la voiture, c'était que quand j'allais faire le plein de la voiture et que j'allais payer la caisse. Et laisser la voiture déverrouillée une minute parce que je surveillais la caisse de la voiture et si je voyais qu'il n'y avait pas grand monde, enfin, le bébé, il voit bien que, enfin, si elle dort, je lui dis rien, évidemment. Mais elle voit bien qu'on n'est pas là, donc c'est pas la peine de... Je lui dis, je reviens. Non, c'est pas normal, mais effectivement, de faire un truc de une minute, prendre un bébé, vous êtes déjà fatigué de la journée de travail, c'est encombrant. C'est n'importe quoi. C'est extrêmement dangereux de laisser un enfant dans une auto. On peut pas. Qui dit qu'on peut pas? Ouais, on peut pas, c'est une conscience. Et si vous dites qu'on peut, venez sur la page Facebook, c'est vous qui le dites. Si vous dites qu'on peut pas, venez sur la page Facebook, c'est vous qui le dites de la même manière. C'est vous qui le dites. À demain pour notre heure de dialogue.